OK. Fait que l'enregistrement est parti. Rick, parle-moi donc un petit peu dans ton micro, juste voir si ton waveform bouge. En ce moment, je suis en train de pogner un petit semi-croquant en me pensant au waveform que j'ai en dessous de mes pantalons. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Donc, mardi le 29 novembre 2016, vous écoutez Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion québécoise francophone sur la culture populaire et Et populaire. Tu sonnais comme un robot. Je fais trois fois. Tu sonnais comme un gars parler. Assez quoi, là. Tu devrais juste l'enregistrer une fois puis reste mettre en ligne, on t'envoie un t-shirt. Donc, mon nom est André Paquette, votre humble animateur, accompagné ce soir de Jonathan Milter. Oui! T'as l'air aussi radiophonique que moi. Je suis dedans. T'es dedans? J'ai écouté C'est quoi tantôt. Fait que je suis dedans. C'est long, comme... t'écoutes tout le temps. C'est j'écoute quoi? Souvent C'est quoi. Parce que je m'inspire. Ils font des podcasts à cette heure. Ouais, on a vu. J'ai Kim Ross qui a parlé en fait, de ça tantôt. Ils font des publi-reportages. Ouais, des exactement de 10 minutes. Hey, on a la même affaire sur notre SoundCloud, sauf c'est nous autres, Chaudasse au Comic-Con. Accompagné également d'Éric Hébert. Bonjour André, ça va bien? Ben oui, je pensais à Chaudasse au Comic-Con, puis je me suis dit, ben quoi de mieux que tes reportages au Comic-Con avec le micro. J'étais chaud. Vox Pop. J'étais pas chaud. Non, j'étais pas chaud. Pas de cette année, mais de l'année d'avant aussi, il était bien. Geek fait... Oui. Pas... En fait, la raison pourquoi j'en parle, c'est que je travaille sur le site actuellement. Puis là, je suis en train de dire, hey, on a un SoundCloud. Puis j'ai été écouté, j'ai fait, on n'a pas juste un SoundCloud, on a un SoundCloud avec des tracks, ouais. Genre de matériel inédit. Ah, le stock que moi j'ai fait, ouais, que même j'ai tout moi, mis sur en tant SoundCloud. Que membre full patch du Geek Collectif, j'ignorais l'existence. Ah, mais écoute, il y a même des shorts dans le temps que je faisais des teasers. D'épisodes, dans le temps que j'avais le temps de faire des teasers d'épisodes avant d'être en ligne. Célibataire. Ouais, c'est ça. Puis j'avais pas de projet de vie, j'avais pas rien. Là. Notre SoundCloud va comme exploser, il va doubler, il va être exploser. Rendu à 6. C'est genre. Ça, ouais, 6 auditeurs. Ah. Accompagné également de, justement, notre membre full patch, Guillaume Hamel. Yes sir, yes sir. Toi, t'es pas charismatique, là. Donne-moi un yes sir, yes sir. Là. Yes sir! Bon. J'espère que le compresseur c'est pas charismatique, c'est texan, ça. C'est bon, ça faisait Fred Caillou. Comme ouais. Non, parce que je me prépare, tu sais, je m'en vais dans la contrée de Donald. C'est que je commence à parler, hey, yo! Faut que je parle, I'm gonna go to the States, yo! I'm gonna see howdy my neighbors. Ouais, je te suggère de pas faire ça. Oh non? Ouais. Je pensais qu'avec Donald, ils vont savoir. Le redneck level avec comme through the roof. Là. On s'entend que ça cowboy. Reste. On s'entend que Donald Trump, pas parler trop politique, là, mais ça reste un rich New York real Frick. Estate dude qui est président. Là. C'est pas. Did you George assume Bush. His gender? Non, non, je sais. Donc, messieurs. J'ai assumé son portefeuille. Comme on le fait si bien au collectif, on va débuter en faisant un petit tour de table, réchauffer l'ambiance un peu. On va parler de nos actualités pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies ces temps-ci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait débuter la soirée? Moi, je peux, à moins que quelqu'un d'autre veut y aller, parce que souvent, je commence, moi. Ben, c'est ça pas toi qui a commencé la semaine passée. C'est un gentleman, Milter, pareil. Il pense toujours à l'équipe. Ouais, Guillaume. Ouais, allez, moi. OK, go. Ben non, mais pourquoi ouais, allez, je veux changer la sauce? Non, mais moi, je veux savoir, avez-vous passé un beau Black Friday slash pré-faillite? Pas si pré-faillite. Pas si pré-faillite. Parce que c'est comme l'apologie, l'apothéose du consumérisme. Consumerism. Ben, je ferais pas faillite pour que j'ai acheté au Black Friday, mais je comprends ce que tu veux dire. Plus que vous auriez dû. Non, je travaille pendant les Black Friday. C'est vrai, ouais, j'ai même été te voir. C'est... Moi, j'ai travaillé aussi, mais honnêtement, là, j'ai pas. Ben, non, j'ai acheté une chose. On a été modeste. Ouais. Ouais, moi, j'ai acheté deux choses. Chose, j'ai acheté mon Need for Speed Horizon 3. Puis un gros Gatorade. Need for Speed Horizon 3, I see what you did there. Puis j'ai aussi acheté une collection de Destiny. Un Jugo Juice non, aussi? Mais le petit Destiny, là, ils ont un kit avec des Taken ouais. King, tout le kit dedans. Ben, chez Best Buy, la version française, il y a à vendre en liquidation à 15$. En français? En français. Fait que c'est pas la voix de... En français! Non, mais ça, les jeux de Tyrion Lannister, pas les deux tout le temps? Sur le non, jeu. Pas celle-là. Puis en plus, il liquide à 15$. Fait que moi, je vais prendre celle-là que j'ai achetée à 15$. Puis je vais aller le trade-in pour Final Fantasy. Puis ça va sûrement me donner un genre de boom! 40$ en bonus. Là. C'est génial, ça. Fait que ça, c'était mon pro, ça, c'est mon pro move. Là. Mais là, tu nous parlais du Black Friday. Oui, ben moi, j'ai dépensé un petit peu. J'étais Ah, c'était à propos de toi. C'est lui la faillite. C'est toi qui as fait faillite. Non, non, même pas. J'ai été modeste. J'ai, en fait, je voulais... En tout cas, je sais que mon Need for Speed Horizon m'a coûté crissement plus cher que celle de Guillaume qui a reçu gratuitement de Microsoft. Là. En effet. Mais je me suis un peu avoir, en fait, à mon propre jeu. Parce que là, moi, j'ai été à une boutique de bande dessinée au Galerie de la Cathédrale. Ah, ben oui, belle place. Pas Galerie de la Cathédrale, excuse-moi. Galerie, quand t'as... La Cathédrale, c'est la Cathédrale, ouais. Je me mélangeais avec la capitale à Québec. La Cathédrale vendue, là. Mais, dont le nom m'échappe, mais je voulais plugger justement le carnegeek.com. C'est l'Omni... Je l'ai en quelque part, mais là, je voulais plugger mon carnegeek.com où ce que je parle des boutiques de collection qui sont à Montréal. Mais mon site est planté, c'est que je ne le pluggerai pas. Quoique peut-être que dans deux... Dans deux semaines, quand vous allez nous écouter, il sera plus planté. Il y avait des rabais de 20%. Tu t'es fait hacker, qu'il faut dire. Exact, oui, mais il faudrait pas qu'on se fasse hacker parce que c'est sur le même serveur que le Geek Collectif, tu sais. OK. Puis, j'ai profité d'un 20% de rabais sur les paperbacks. J'en ai amené ici deux. Le Omnibus. Omnibus, merci. Ouais, je vais juste faire sûr que ça plug, parce que c'est une vraiment belle petite place. Oui, non, ils ont du excessivement beau stock, des beaux. Ils ont des bustes et des figurines, mais c'est pas de ça que je voulais vraiment parler. Je voulais juste parler du fait que. Il y avait justement les 20% de rabais. J'en ai profité un peu. Je les ai ici. J'ai acheté du sang le 4001 AD, qui est le volume de Valiant. Si vous vous rappelez, il y a quelques épisodes, on avait amené le premier comic, puis c'est là qu'il y avait des dinosaures futuristes, oui, que les gars, oui, capotaient, oui. Les dessins étaient vraiment... Ah, oh, ouais, mais ça, c'était la phase que c'était sa planète, mais après ça, on se rend compte que c'était juste dans un flashback. Ouais. Comme Cadillacs and Dinosaurs. Non, non, c'était pas un flashback. C'était dans une genre de on pensait qu'on était dans une planète préhistorique, mais finalement, on était dans un genre d'archéologie. Là. Oui, c'est ça. Ben, c'est exactement... On parle de la même chose. OK, ouais. Mais ça, c'est un volume que j'ai ramené qui est... En fait, je vais le montrer. Pour nos amis à la caméra, qui est ici, on va essayer de voir. Ça tient. Hey, ça tient, on est bon. Donc, c'est ça. 20% de rabais. Ça vaut toujours la peine d'encourager ces commerçants locaux quand on a la chance, au lieu d'aller genre dépenser sur Amazon. Quoique, j'ai été quand même coupable, avant le Black Friday, de me procurer un livre sur Amazon, parce qu'à un moment donné, il y a une limite à tout. Pourquoi t'es coupable de te procurer un livre? Non, parce que j'aime encourager les business locales en général, mais je devrais plutôt dire les business locales indépendantes, parce que, quant à moi... Parce qu'on le sait que t'es anti-establishment. Exact. Give it to the man. C'est ça. Stick it to the man, sorry. Ouais, parce que give it to the man, c'est autre chose. Ça, c'est Donald Trump. Ça risque d'être un film dans les sections cowboy. Exact, oui. Donc, je me suis pris... on va leur montrer à la caméra aussi. C'est Star Wars Catalyst... Qui, en fait. Je le tienne. Il tient, là. On okay. Est bon. Non, au cas que la vaille d'eau, là. Oh, BB8. Ouais, Laptop Gate 2, là. Mais c'est, en fait, le roman prequel. Je sais même pas c'est quoi, le prequel en français. qui précède. L'histoire précédente. Qui. C'est un mot. Il faut avoir une petite phrase en français. Pour on va dire. Ça, tu prends un mot, puis tu fais comme. Il était une fois par un doux matin d'automne. Donc, on va y aller avec le livre prequel au film Rogue One. En gros, c'est le livre qui suit... Genre le générique de Star Wars 4. Ouais. Ouais, mais en 250 pages. On voit en fait la naissance de la... Voyons, Erso, l'actrice principale. Jyn Erso. Jyn Erso, oui. Jyn. Tu veux vraiment la naissance? Là-dedans. On voit la relation avec son père puis comment il est devenu... Ce qui est devenu, parce qu'on se rappelle dans les bandes annonces, il y a une allusion que Jyn doit aller rencontrer son père. On a Alexandre Morin qui nous propose Antépisode. Antépisode? Antépisode. C'est bien ça. Ça aurait du sens. Ben oui. Mais c'est donc c'est ça. C'est je suis rendu presque à la moitié. J'aimerais ça l'avancer plus. Fait que c'est l'histoire avant Rogue One. Le monde qui vont qui voler est avant les Star plans, Wars. Qui est avant A New Hope. Exact. Mais en fait, le livre se passe entre je dirais commence entre le 2 et le 3 et pendant le 3 l'étoile de la mort est en pleine construction, mais elle débute la construction. Il explique comment ils ont réussi à entamer la construction, qui c'est qui les races dans l'histoire qui ont aidé à la construction. C'est que c'est vraiment intéressant. On va dire les espèces. Parce que les races, ça serait raciste. Honnêtement, non. En fait, c'est des races. Parce qu'il y a des races extraterrestres. D'accord. Et non des espèces. En fait, c'est des synonymes. Tandis que c'est pas des ethnies. Peu importe. Je m'étire. Sont-tu noirs ou pas? Je m'éloigne. sont gris avec des ailes. OK, bon. Donc, c'est ça. Mais où est-ce que je voulais en venir, malgré tout ça? C'est que le livre est écrit par un certain James Luceno. James Luceno, c'est qui? C'est lui qui a écrit le livre Darth Sidious, qui est un chef-d'œuvre. Malheureusement, qui a été publié comme un mois ou deux, je vais peut-être me tromper dans les dates, mais on va dire peu de temps avant l'acquisition par Marvel. Donc, il n'est pas le canon, il est légende. Pour les BD, mais il y a du Sidious, peut-être, on n'est pas sûr encore. Oui, mais ça, c'est le livre Sidious est officiellement considéré légende et non canon. Malheureusement, le livre est un chef-d'œuvre, il est excellent. On voit comment Sidious est devenu Sidious. Puis quant à moi, il devrait avoir eu une exception pour ce livre-là, puis le mettre canon. Ou qu'il reprint, puis qu'ils disent que c'est lui. Ouais, mais ça a l'air que c'est plus compliqué que ça. Mais non, c'est mieux de pas le publier, d'écrire une toute autre histoire inspirée et totalement faire de ça. Double d'argent. Pas payer de redevance à l'auteur original. Mais l'auteur, c'est le même, en fait, tu sais. Mmh. Mais après ça, ce qui est arrivé, c'est que. Fait que lui, il s'est fait brûler une fois, puis il réécrit pour eux autres. Fait pareil. Mais je pense qu'il s'est pas fait brûler, justement. Il s'est fait payer pareil. T'sais, on s'en fout. Lui, il a eu son cash, il s'en fout. Il a fait, après ça, le même auteur a fait une mini-histoire sur Général Moff Tarkin, qui elle aussi. Débile. Tu rentres dans le. C'est fou. T'sais. General Moff Tarkin, ceux qui s'en rappellent pas, c'est l'espèce de petit personnage squelettique qui est comme l'espèce de gars qui doit faire 5 et 4, 120 livres mouillés dans Star Wars épisode 4, puis qui est à côté de Darth Vader, puis que t'as l'impression que Darth Vader a peur de lui un peu. Là. C'est pas lui qui se fait. C'est un des plus grands stratèges de l'Empire. C'est pas lui qui se fait Force Choke. Là. Il meurt en fait avec l'explosion d'étoiles de la mort dans l'épisode 4. Donc si t'as pas vu l'épisode 4. Avec tous les autres contracteurs, les travailleurs. Ah non, non, non, une fois qu'elle est construite. Toutes les travailleurs. Et le livre de Moff Tarkin est excellent par le même auteur. Et ayant lu les deux premiers qui est excellent, je me suis dit, j'aurais pas la même mauvaise surprise que les autres livres de Star Wars que j'ai parlé dans les épisodes précédents. Et en effet, ce livre est. Malade. Ouais, t'es à moitié chemin, on dirait, là. Ouais. Puis je l'ai reçu fin de semaine, vendredi. C'est que. Donc, est-ce que tu vois un. 4 jours avant l'enregistrement de cet épisode. Tu vois-tu une belle représentation de l'univers Star Wars? Oui. Comme ben, d'une différente angle, on mais pourrait c'est, dire. Mais ce qui est le fun, ceux qui sont des auditeurs aguerris du podcast vont se rappeler que j'ai fait la critique justement de la série Aftermath. Que t'avais pas été trop. La première épisode était vraiment lourd, dur à embarquer, que t'as. T'as l'impression de relire les chapitres deux fois pour être sûr de bien comprendre. Lui, là, je le donnerais à ma mère qui connaît rien à Star Wars, puis elle serait hooked. Parce que l'aspect littérature est excellent. Encore un anglicisme, en anglais, le onboarding process, là, c'est-à-dire la phase où on s'acclimate au personnage est superbe. C'est facile puis, d'approche. Je trouve ça drôle, surtout avec l'histoire de Rogue One qui s'en vient. C'est une histoire comme qu'on s'entend que Lucas. Travaillais-tu depuis longtemps? Parce que Lucas, autres, rien à voir en passant. Non, attends, LucasArts, LucasFilms, le concept de faire le film de Rogue One, ça date de même avant l'acquisition de Disney. Là. Oui. Fait que ça fait longtemps qu'il en parle, puis ça fait drôle, parce que Rogue One, tu sais un peu le endgame. Oui. C'est que tu sais que du monde qui vont mourir. Mais on s'entend-tu que... Ben, tu sais que d'un point de vue geek, je trouve que... C'est con à dire, mais autant que j'ai du respect pour la nouvelle ancienne prequel trilogy, là, tu sais, à Anakin, là, le Rise and Fall, puis etc., là, c'était cool, mais j'ai plus hâte de voir Rogue One qu'on dirait que j'étais hypé de voir comme épisode 2, 3. L'épisode 1, là, j'avais le goût de le voir, là, c'était incroyable. Mais on après dirait Rogue l'avoir One, vu, ça. Oui. Mais c'est-tu quoi? On dirait Rogue One est adapté à où je suis rendu dans ma vie. Mais c'est parce que ça va briser les conventions. Un peu plus dark, un peu plus gritty. Ça va briser les conventions de Star Wars qu'on est habitué à. Ben, les rumeurs qui parlent de pas de générique. C'est ça, exactement. Des choses comme ça. On sent que Star Wars va s'en rapporter ailleurs. Mais en même temps, si tu es un consommateur de Star Wars, ben, tu sais, j'ai regardé un dessin animé des droids, là, comme, je veux dire, j'étais allé ailleurs souvent. Le Christmas Special. Le Christmas Special, c'est une autre affaire, mais les dessins animés, les Ewoks, tu sais, ils sont allés dans d'autres directions à différents moments, mais ça, je suis... Fait que là, Guillaume, ce livre-là, on se le procure? Oui, absolument. Honnêtement, t'as pas besoin d'être un Aftermath et vraiment ciblé pour les méga fans de Star Wars, malheureusement, à cause de son approche assez froide et un peu impersonnelle. Ce livre-là peut vraiment plaire à n'importe qui, même qui a juste une faible connaissance de Star Wars, il n'y a pas de problème. Pour répondre à ce que Eric disait, c'est pas parce que tu connais le Endgame que, tu sais, comme les romans style Agatha Christie, c'est le parcours qui est important. Dès le départ, telle personne meurt. Check la Bible, je l'adore, là. Puis c'est le parcours qui Jésus est important, meurt, Eric, pas la destination. Exact. Mais non, je le recommande. C'est une lecture qui se fait bien, qui est facile, qui se lit rapidement. C'est que c'est un must. J'ai une question pour toi, Guillaume. Oui. Là, tu dis que tu t'es procuré ce livre-là sur Amazon. Oui, parce que ça ne tentait pas de payer le plein prix de 37$ canadiens chez Indigo, parce qu'ils ne price match pas. Puis pour petit clin d'œil, shout out à Best Buy qui price match. Je l'ai dit, pourquoi tu l'as pas acheté sur Best Buy, c'est ça. Mais là, est-ce que tu l'as acheté à l'aide de ton Dash Button, Guillaume? Non, non, j'ai utilisé mon application. Ah. Amazon sur mon téléphone. Parce que si avec tu permets, j'enchaînerai avec mon actualité également. Ben oui, ben oui. Ben, j'ai vu une annonce aujourd'hui, puis justement, Guillaume parlait d'Amazon, puis ça m'a comme fait allumer. Mais le fameux Dash Button d'Amazon, êtes-vous familier avec ça, les boys? Non. J'ai aucune idée. Okay. Moi, je magasine pas électroniquement, j'ai peur de me faire voler ma carte de crédit. Ben, moi aussi. Je pensais que j'avais peur de me faire voler ma carte. Premièrement, well played. Mais deuxièmement, moi, j'ai vu ça aujourd'hui, puis j'avais pas d'actualité avant ce matin. Puis quand j'ai vu la pub de ça passer dans mon feed Facebook, j'ai trouvé... J'étais emballé et désenchanté en même temps. C'est que, je vous explique, Amazon ont lancé le Dash Button et le tagline, c'est « Never run out ». Donc, manque-en jamais. Qu'est-ce que le Dash Button, vous allez me dire? C'est un genre de bouton Wi-Fi que, mettons, il est brandé Ziploc. C'est un vrai bouton. C'est un vrai bouton. Fait que là, le but de ce bouton-là, c'est qu'il vient avec un côté adhésif de tape 3M, probablement. Mais y a-tu un dash button pour le tape 3M? Probablement, parce qu'il semble avoir des dash buttons sur n'importe quoi. Mais le j'ai but, hâte de ça, savoir ce que tu t'en vas. Là. J'ai non, mais c'est juste tu malade. Je sais quoi. Fait qu'imaginez-vous là, dans un monde où votre plus grande crainte est de manquer de pâte à dents ou de Pop-Tarts. OK? Puis là, vous vous réveillez le matin, puis à chaque matin, vous mangez votre Pop-Tarts. Puis là, maintenant, c'est comme... Fuck, il n'y a plus de Pop-Tarts. Ou je viens de prendre le dernier Pop-Tarts. Puis, ah, va falloir que j'aille à l'épicerie, puis etc. Puis, Eric, je vais faire un parallèle avec toi dans pas long que tu vas apprécier. Mais le but du Dash Button, c'est que tu as ce piton-là qui est collé dans l'armoire. Puis, mettons, c'est comme, hey, j'ai pris le dernier Pop-Tarts. Tu pèses sur le piton, puis ça commande des Pop-Tarts automatiquement sur Amazon avec ton compte, puis ça les fait livrer chez vous. Mais est-ce que ça commande les Pop-Tarts quand ils sont en spécial? Ben, juste au prix courant. C'est drette ça. T'as écrit cette semaine. Je viens de découvrir qu'il y a du monde qui achète du beurre de peanut en spécial. Moi, la grosse crainte que j'ai avec le Dash Button... C'est vrai. En passant, j'ai une photo de ce gars-là. Ben oui. Ben, je voulais pas la partager parce que c'est un peu wrong, mais je l'ai pris en photo, le dude qui ramasse des fucking kilos de beurre de peanut à 9$. Ben non, mais ça, c'est un des pro tips que... Je sais pas combien ça coûte. Je vais te poser une question. Il venait-tu de déménager? C'est cher. C'est son premier logement? Non, c'est un gars qui fait son épicerie dans un Pharmaprix. Fait que déjà là, t'as un problème. C'est peut-être un bourgeois d'Hochelaga. C'est un vrai bourgeois. Au Pharmaprix d'Hochelaga. Un qui est en bourgeois, le quartier. Fait que pour revenir au Dash Button, en réalité, c'est ça. C'est que c'est un bouton où, d'un côté, point de vue concept, c'est un bouton que quand on pèse dessus, ça te commande du stock quand t'en as plus. Le concept est excellent. Donc, le bouton est comme préprogrammé pour commander un type d'item. C'est ça, exactement. Okay. Fait que, écoute, quand tu pèses sur ton Dash Button, tu déjà le concept, Folgers, j'aime ça. Du Pop-Tarts, du whatever. Ouais, j'aime le concept. Mais là, je me suis dit, OK, dans ma vie de personne qui... Puis là, je vais être la personne positive du Dash Button qui est, j'aime le concept, je veux pas manquer de rien, puis je fais confiance à Amazon parce qu'Amazon vont toujours avoir le meilleur prix pour moi, puis ça va toujours être frais. Ou avoir les meilleurs, chez nous. Tes meilleurs intérêts. Okay, ben de mes meilleurs intérêts parce qu'ils vont certainement pas évaluer mes habitudes de consommation en commandant. Mais on s'entend aussi là, que Amazon, je savais pas, mais ils vendent des Pop-Tarts. Ben, il y a ça. Là. Okay. Premièrement, là, c'est que ta référence, toi, dans la vie, c'est, je vais faire livrer des fucking Pop-Tarts chez nous. Je vais mettre une bémol. Je paye mon Amazon Prime. Je vais mettre une bémol à ce niveau-là. Ça vient chercher un des chiolages que j'ai déjà fait. Je suis comme full nostalgique aujourd'hui. Amazon Canada encore beaucoup est très, très bon, mais beaucoup de croûte à manger par rapport à Amazon américain. Puis j'ai un feeling que la pub qu'André a faite, c'était Amazon américain. Parce qu'en effet, Amazon américain, tu peux te commander du papier de foufoun, tu peux te commander... C'est effectivement Amazon.com. Exact. Je n'ai pas filtré l'Amazon Canada, sauf on s'entend que, mis à part les livraisons par drone, ouais, un moment donné, ils vont exporter ça au Canada. Mais il faut. Ma grosse crainte avec ça, c'est que, tu sais, là, je me suis dit, c'est quoi, t'ouvres la porte d'armoire, puis t'as 48 pitons, puis c'est genre un piton Pop-Tarts, un piton Nescafé, un piton beurre de peanut, un piton telle affaire, un piton... Tu sais, c'est un peu ça que j'ai commencé à me poser comme question, c'est quel genre de fucking habitude ça va nous faire... Donnez-moi un instant. Mets-toi derrière toi, sur le comptoir. Allez, je vais prendre la lèvre, par contre. Je peux prendre Oui, tu peux prendre la lèvre. Je peux pas te garantir sa fraîcheur, mais tu peux prendre la lèvre. Donc, en réalité, c'est un peu ça, c'est que, tu sais, tu te ramasses avec combien de fucking dash buttons dans ton armoire? Deuxièmement, là, c'est pas pire, parce que... Moi, je veux juste savoir, le bouton, faut-tu tu la jettes? Ben, c'est ça. Là, il est une pièce. Ton premier dash button est une pièce, mais faut que tu sois abonné à Amazon Prime aussi. C'est comme la drogue, parce que je le vois venir là. Non, ouais, c'est ton premier, c'est ta première dose de crystal. Mais on achète-tu un pour quelque chose, genre? Mais on peut pas, c'est Amazon US pour tout ça. Ah ouais, c'est vrai. On pourrait. C'est vrai. Ouais. Sauf qu'on paierait le fucking shipping à chaque fois. Les Pop-Tarts à 4$ US, là. Non, mais pour d'autres choses que des Pop-Tarts, de la bière. Mais en réalité, c'est ça, c'est que là, tu sais, tu te ramasses avec une porte d'armoire pleine de boutons, puis là, tu sais, je sais pas, est-ce que je veux faire confiance aveugle à Amazon de me commander, tu sais? Moi, j'ai été élevé que les Pop-Tarts sont pas en spécial cette semaine. Attends qu'ils tombent en spécial. Achète-en plus pour essayer de les intégrer dans ton habitude de vie pour pas payer cher. Mais là, ça devient un peu très America fuck yeah de genre, il y a plus de Pop-Tarts, il m'en faut là, je commande. Peu importe le mais prix, c'est correct, peu importe ça. Que ça marche. Ouais, peu importe le prix. Mais il y a du monde, c'est ça qui y a du monde qui va être prêt à payer pour ces boutons-là. Fait que ça montre à quel point que... C'est ça, Milter. Le monde c'est vont 5$ le deuxième. Oui, mais il y a du monde qui vont en acheter au moins un ou deux. Tu sais, juste de monde. Là, pas... Mais c'est parce que je vois ça un peu comme l'utilisation du PayPass sur la carte de crédit où t'as plus de NIP, t'as plus rien, t'as plus de responsabilité, t'as plus les étapes qui te font réaliser « Je suis après faire un achat. Je suis en train de livrer. » Là, vous allez me dire « André, t'as-tu vraiment besoin de réfléchir pour du papier de toilette? Chris, faut que tu te torches. Fait que quand il n'y en a plus, t'en commandes. » Ouais. Mais tu sais, d'un autre côté... Tu sais, tu veux-tu comme tout le temps vivre au rouleau? Moi, t'sais? Ça va m'éviter. Moi, quelque chose comme ça, j'aime ça. Puis je vais te dire pourquoi. Comment souvent est-ce que ça m'arrive? Ça va faire 15 ans que j'étais avec ma femme. Ça va faire des années que je suis marié. C'est du monde qui a été avec des femmes long terme. Milter va sûrement me croire. C'est rien contre ma femme ou nos femmes en général. J'adore ma femme et tout. Mais ils ont leur moment, parle right? Pas pour moi, là. Parle pas pour moi. Moi, elle est parfaite. Elle est parfaite. Milter qui veut juste surtout pas s'en quand elle là-dedans. Écoute. Elle écoute-tu? Je sais pas. Tu vois, peut-être qu'elle écoute même pas puis je le disparais. Mais... Très souvent, je me suis fait mettre sur le dos. C'est juste moi qui pense à acheter pas le beurre de peanut. Okay, le beurre de peanut, j'y pense. Là. Mais moi, le bouton là pour la toilette ou les napkins ou le papier à la main, là, le comment t'appelles ça, les guenilles qu'on roule? Scott Towel. C'est ça. Plugger ma pour scotte. Ça, le papier de toilette, là, où est-ce que tu vois l'ourson, là, qui se torche en public, sa télé, là, puis tu vois les morceaux de... Ou les petits chats blancs. Les petits chats blancs, ouais. Mais, moi, ce bouton-là, moi, m'aiderait beaucoup, parce que ça serait comme, ben, j'ai pesé le bouton. Mais là, je pense à ça. Ça pourrait être pire. Parce que là, ça serait comme, t'es même pas capable de peser sur le bouton. Y a fuck this shit. Moi, je veux pas que ça arrive, ça. Non, mais imagine-toi, là, c'est un peu ça, puis moi, c'est la déresponsabilisation. Tu sais, c'est vraiment comme, ah, fuck it, je pèse sur le piton, puis c'est pas grave, tu sais, puis il en manque, puis là, tu pèses 4-5 fois sur le piton, puis eux autres, tu t'envoies la confirmation. Il y a une confirmation par téléphone qui doit être acceptée aussi. C'est sûr, mais c'est je trouve... Ben, c'est de la merde, d'abord, le trouble de liaisage. Ouais, mais c'est pour prévenir à ton enfant d'être les 15 fois. 12, j'avoue. Hey, tout le monde a eu un kid dans les années 80, là, parce que j'ai été ce kid-là. T'as été un kid ou t'as eu un kid que, dans le temps, à banque, ben, il y avait des pitons anti-vol. Puis il y a tout le temps eu un moment où, dans une banque, il y a un bureau abandonné parce qu'ils viennent de crisser Diane dehors parce qu'elle volait des paper mates pour les ramener à la maison. Puis il y a un petit kid qui pèse sur le piton, puis la police, elle rentre, puis elle est comme, « Qu'est-ce qui se passe ça? » Moi, qu'est-ce qui est drôle, là, tu dis ça, mais avec ma mère, quand j'étais jeune, j'habitais à Montréal, puis tout, mais j'ai déjà pèsé sur le bouton d'arrêt d'urgence des escalateurs de métro. Tu sais, les super longs, là. Puis là, tout le monde était fâché. Tout le monde était dedans, puis là, ils ont tout retourné d'une chose. Je me souviens de la scène, comme, il y a peut-être 150 personnes qui se sont virées en crisp qui ont vécu comme un petit gars de 3 ans et demi, 4 ans. Comme, le vieux piton. T'as gâché 10 secondes de leur journée. Ma mère, non, mais elle est pas repartie de suite. Pantoune, la fois, ça, je m'en souviens. Là, ah, mais même à ça, c'était quoi? Chris était à l'oratoire, là, pour elle? Non, mais c'était long. Ça avait de l'air plus grand, mais peut-être. C'est quand même, le dash button, c'est, si je me mets d'un point de vue. Mais la bouffe à chat, là, que je viens de voir, c'est pratique. Tu verses ta bouffe. Si tu mets le point de vue capitaliste / Amazon, l'ingénieur qui a eu cette idée-là a eu un esti beau bonus. Ah ouais. Mais d'un point de vue... C'est même pas comme extravagant d'un point de vue, comme mettons, idée. Non, mais là. Mettons, je me mets dans la peau de nos amis de Crypto-Québec, là, des chiens de garde. C'est alarmant en esti. Parce que là, imagine, t'as 4-5 dash button chez vous. T'en as un pour le papier cul, t'en as un pour plus besoin de liker, t'as juste besoin de peser dessus. Là, ce qui arrive, c'est que d'un, tu sors quasiment plus de chez vous. Tu sais, tu fais rien commander des affaires, sauf que tu as de la bouffe fraîche foutière. Mais ce qui arrive, c'est que c'est le fun, c'est pratique pour toi, mais Amazon, après un an, deux ans, a un espèce de portrait de tes habitudes de consommation. Ah, mais techniquement, poussées. Ils ont déjà là. Ça, on s'en compte. Tu commandes déjà ton stock sur Amazon. Mais souvent, mais les là, gens, mais non, ils vont me donner les meilleurs deals. Je vais juste t'expliquer qu'il y a deux côtés de médaille. Oui, mais c'est quoi le méchant du côté du fait qu'Amazon sait que t'as besoin de c'est que tu leur donnes de l'information sur ta personne. Ben, moi, si, je mais c'est, quoi cette information-là? Ça, au pire, on pourra toujours demander à Jean-Philippe Descarimathieu de revenir à l'épisode puis nous expliquer en quoi ça peut être mal. Mais justement, en quoi ça peut être mal? Le vrai problème, moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire à quoi ça peut être mal, puis Milter t'a donné un bon exemple. En fait, un dash button du fertilisateur, là, puis des crockpots, là, c'est pas suggéré. Non, non, ça, c'est sûr. Mais tu parlais de bouffe à chat, mettons. Mais j'ai envoyé un, ben c'est ça, tu sais, mais en mix une chose. Moi, je vous donne un exemple. La bouffe à chat, ces temps-ci, moi, j'achète, mettons, chez Mondou. Puis là, j'ai ma carte câlin, puis whatever, puis je suis rendu avec trois chats. T'as beau, au Mondou, il y a une carte câlin. La carte câlin, t'accumules des points, puis... Non, mais en comme réalité, des Air Miles, mais... Imaginez-vous, c'est que là, je vous donne un exemple. Ma blonde m'a envoyé un message aujourd'hui, elle fait... non, excusez, hier. La bouffe à chat... comme 50% sur le deuxième sac de bouffe, quelque chose de même. T'sais, on devrait peut-être l'acheter d'avance, on va en avoir de besoin. Anyway, mais jette 2 euros. Il n'y a pas de date de péremption, rien. Moi, ce que je trouve, c'est que ces stratégies commerciales-là que les business ont pour essayer de te faire acheter plus, puis d'un autre côté, qui permet aux consommateurs d'économiser un peu, ce bouton-là va un peu dans la direction carrément inverse. C'est que, tu sais, puis je te dis, je reviens encore là-dessus. Peu importe le moment, peu importe, je fais confiance à Amazon que le prix est bon puis je vais commander. Je regarde plus comme les spéciaux. On a fait confiance à Uber. Ben c'est ça. On fait confiance à Uber parce qu'on est une jeune fille de 18 ans puis on vient d'un party de Vaudreuil puis on s'en va à Montréal puis on se surprend que ça coûte 350$. Cette jeune fille là. C'est qui Uber, ce gars-là? Uber est un gars qu'il faut pas que tu trosses selon tous les chauffeurs de taxi. Je suis tellement tanné de que le monde confonde Uber avec Uber. Là. Mais c'est un peu ça. Puis il doit tellement recevoir de la haine pour ça. Tu sais, présentement, c'est je trouve que ça va être un point tel où si les gens commencent à faire confiance aveugle aux détaillants comme ça puis à juste acheter à l'aveuglette, puis là on s'entend, c'est pas des achats majeurs, de la pâte à dents, du papier de toilette, de la bouffe à chat, c'est pas des achats de je vais m'acheter des lecteurs Blu-ray puis à chaque fois que je pèse, ils me shippent un laptop, tu sais. C'est pas des achats comme ça, c'est ben c'est Python et chip un laptop. Il y a un problème, c'est un Python de laptop là, c'est parce que On va être rendu vraiment problématique, mais moi c'est un peu ça, c'est juste, tu sais. Calvaire, man. Tu sais, tu reviens là, puis tu l'as très bien dit, Rick. Il y a du monde qui achète du beurre de peanut quand c'est pas en spécial. Ce piton-là va faire qu'il y a du monde qui va acheter de la pâte à dents, du beurre de peanut, du café, des affaires de même quand c'est pas en spécial. Mais on est aussi dans une époque où ce que le consommateur achète quand on leur dit. Exemple parfait, Black Friday. Black Friday, exactement. C'est juste comme... Hey, le monde qui rentre avec l'automatisme, là, c'est quoi les deals? Ils savent même pas pourquoi ils sont là, puis ils demandent c'est quoi les deals. Mais ils sont préconditionnés qu'il y a un deal au Black Friday. Donc fait que faut que j'achète. J'avais un boss dans un ancien magasin que je travaillais à, c'est un Marocain, qui était quand même spécial, puis un peu croche de sa barre, mais il était très drôle. À un moment donné, il me sort, il dit « Eric, je comprends pas. » Lui, il arrive du Maroc, là, puis comme le consommateur nord-américain, c'est une machine. Ben oui. On leur dit d'acheter, ils achètent. Puis c'est un signe de qu'est-ce que l'Amérique du Nord est aussi. Certainement. Là. Ça va beaucoup plus profond. Puis sais-tu quoi, le dash button? C'est le symbole de ça. Ça vient de ça. Puis c'est juste naturel que ça arrive. Mais pas pour embarquer trop sur un dérapage là-dessus, mais ça fait des années qu'on parle des frigos qui peuvent détecter ça puis commander automatiquement les frigos, puis du lait, des affaires comme ça. Mais on s'en va un peu là-dedans, puis pour conclure sur mon actualité, parce que je vais pas vous priver de votre actualité, vous aussi, messieurs, mais c'est un peu ça, c'est que ce bouton-là représente, pour moi, quelque chose de super sexy comme produit, puis de quoi d'évident que le gars, justement, comme tu le dis, là, chez Amazon, qui a fait, on va faire un piton qui recommande du papier de toilette automatique. Millionnaire. Puis tout le monde a fait comme, fuck, OK, ce gars-là, il mérite au moins 2,5% d'augmentation cette année, puis on va lui donner un poste de CFO de telle affaire. Ça, il y a déjà un frozen yogurt station dans son dans c'est dans ça. Sa, lui, ce gars-là, il a machine à slash papier là, à côté de son bureau. Mais, tu sais, c'est un peu de l'insouciance commerciale, puis ça me tracasse, puis c'est pour ça que je voulais en parler avec vous autres. Fait que là, il reste Milter et Eric. Vas-y, Milter, là. Je voulais commencer. Anyways. En fait, avant qu'on débute, Eric, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé la question sur le chat. Qu'est-ce que tu bois ce soir-là? Il y a du monde qui dit c'est du Glenlivet, c'est du ci, c'est du ça. C'est du Vitamin Water. J'ai glissé avec ma grosse bouteille Glenfiddich. Vitamin moi, Water. Moi, j'aime bien le rye canadien. Ça, ici, c'est du J.P. Weiser's Deluxe. À 25$, c'est un restant de bouteille que j'avais chez nous, puis je voulais juste, j'avais pas le goût de boire de la bière à soir. Puis c'est juste un Canadian Rye, man. C'est quelque chose, c'est très, tu pars plus canadien que du Weiser's, là. Et Dieu sait que le rye est un gateway alcohol, parce qu'Éric n'avait pas le goût de boire de la bière ce soir. Cheers, Éric. Ça je le regrette. Cheers. Un peu, mais yeah, c'est good. C'était un peu sur le coup, j'étais tout motivé. Je vois la lèvre, j'avais le Weiser's Confidence en arrière de moi, puis je suis comme ah la lèvre, puis là après ça je le regrette un peu. Fait que Milton, tu peux y aller avec ton actualité, on a fini de t'interrompre. Oui, moi je vais essayer de faire ça vite. Premièrement, mes actualités sont présentées par le Bacon Jerky de que Jack t'as pas ouvert Links. Encore là, j'attends non, encore non, non. Est-ce qu'ils sont présentés non officieusement? Non officieusement. S'ils veulent rendre ça officieux officiel, ils ont juste à... Écoute, honnêtement, là, une caisse ou un t-shirt, on va le mettre. Non, ouais, on fait ça, on va faire hashtag Jack Links. Là. Chris, on demande au monde, allez taguer dans un commentaire, le Geek Collectif, sa page de Jack, Links. Avoir c'est quoi le nom du dude de Bacon Jack Jerky. Links. Non, mais c'est quoi le nom du dude qui fait du craft dinner maintenant que t'as... C'est Sébastien... Wells Wallet. OK, fait que fais attention. Fucking le, loser. Jack Links to be seen sur la page Facebook de Sébastien. Excuse-moi, Wells. Wells, mettez de la merde. Fait que ton actualité commanditée par okay. Mel sort de sa corps. Moi, je voulais... Non, non, mais le gars, c'est vraiment de merde. Mais c'est pas du free bitching comme Mel ferait, le gars. J'ai des faits. C'est... Dans... En tout cas... T'as-tu des études objectives? Plein. Ils sont plein, pas homéopathiques. Plein. Messieurs, allons-y. Plein. Moi, des petites actualités rapides. Oui. Hier, j'ai écouté Home Alone 2 avec ma femme. Ouais, c'est-tu que c'est bon? Puis, c'est très bon. J'adore ce film-là. T'as-tu remarqué qu'il y a de la tentative de meurtre au pied carré dans ben ce oui. film-là? Ben oui, c'est Home Alone. Ouais, non, je sais, mais c'est comme tabarnak, man. Mais y c'est y a Home vraiment, Alone. C'est la première fois que tu voyais Home Alone? Ben non. Ben, oui, en 2016, Rick, première c'était, fois. Je c'était la première fois qu'il le voyait. Le 2, franchement. Avant, ça, je sais pas. Non, non, mais c'était, c'est comme moi, ma femme, on regardait ça, puis c'est comme tabarnak, ça fait 5 briques qu'il mange dans la face, genre, c'est... Tu sais, quand t'es petit, c'est drôle, mais c'est ça. Un moment donné, on a comme arrêté, on est remplace bon. Le score de ce film-là, puis mets une trame sonore de Hans Zimmer, puis ça prend tout un autre meaning. Roadrunner, ouais, c'est ça, tu sais, c'est juste la j'ai musique vu, qui change de quoi. J'ai vu un meme aujourd'hui sur Home Alone, où ce que t'avais genre, si Home Alone se passait en 2016, oh oui. Puis t'as le kid avec son... C'est là, il texte sa mère comme, je suis seul à la maison. « Oh, je viens d'embarquer sur l'avion, je débarque, je vais aller chercher tout de suite. » Avec un Uber. End, ouais, the end. Fait que Milter. Mais ça, c'était une petite affaire. Je le dis, j'ai acheté un nouveau char. Nouveau, là, genre 2016. Première fois de ma vie. On a acheté ça, moi je et ma femme. Qu'il a déjà commandé ça, félicitations, là. Il ouais, je paye ça avec mon Jack Links money. on a acheté ça, pis c'est comme, on a acheté une maison il y a un an, pis là, c'est comme, on a acheté belle un char. Belle maison aussi. Mais c'est un nouveau char, tu sais, c'est comme, différent, là. Fait que là, ma femme qui est bien stressée, pis tout, pis là, finalement, on a acheté un Dodge Caravan, tu sais, une autre caravane. C'est nice, man. C'est mais des bons chars, 2016. Avec 12 enfants, t'as pas le choix, non? Ouais, c'est fou, là. Il y a de la place, là, genre, des... T'as-tu pris le V6 ou le 2.4? Je le sais même pas, man. Check le geek de moteur. Je connais rien. Non, parce qu'il est t'sais. Cool, le V6 de Dodge, le nouveau Pentastar. Oh, mais c'est un caravan, ouais, c'est pas grave, ça. C'est ça. Fait c'est que... quoi que, c'est quoi vous allez faire avec Bertha? Ben pour l'instant je la garde, je vais changer de char, ma femme va prendre le caravane et moi je vais prendre un petit char parce que c'est elle qui fait l'épicerie et qui se promène avec les enfants. Mais elle va souvent. Nous le prêter pour des WEG. Quand qu'on va partir au WEG, je vais avoir le droit de sinon, le prendre. Sinon le prochain WEG, si d'après moi je faudrait faire un WEG geek collectif. Je vais amener que, ben écoute, il y a de quoi in the works pour ça, on s'en parlait en rond tantôt. Sinon on va avoir le Journey aussi qui va pouvoir nous aider. S'il meurt pas entre En fait passant, on essaie de rien de voler de M. Bruno Georges. Ben non, ils sont tous invités. Non. Mais tout ça pour dire que j'ai acheté un char. Félicitations. Fait que merci. Le concessionnaire avec, il n'arrêtait pas de dire ça. Félicitations. Ben non, mais Chris, eux, ils comme ça, eux autres. Non, mais pense-y. Non, mais c'est ça coûte cher. Fait ouais, c'est, mais c'est pas genre, j'ai acheté un paquet de gomme. Félicitations, monsieur, pour c'est votre comme, paquet de non, gomme. Non, mais c'est ça. Mais c'est comme, c'est pas un bébé que j'ai eu, tu sais, ou tout le monde. Ouais, ah, mais tu vas le financer pendant une couple d'années, ce mais genre-là c'est aussi, rough. Fait, c'est ça, justement. C'est comme, pourquoi tu me dis félicitations? C'est comme bonne chance, plus, ou, tu sais, quelque chose de même. En tout cas, j'ai écouté, ben pas, j'ai pas écouté, mais j'ai vu ça passer, puis je trouvais ça malsain, La Voix Junior. Oh my god. J'ai pas vu ça. Le cringe level était. Non, mais c'est chiant. Puis les enfants, là, psychologiquement, je suis sûr que ça va les affecter plus tard. Faudrait mettre un pédiatre là-dessus. Un pédopsychiatre. Puis c'est encore pire, là. Hein? Parce que un psychiatre pour les pédophiles? Pour les enfants. Exact. Pour les enfants. Ouais, c'est okay. Weird, ça. Parce que Dieu sait que pédo, ça, c'est absolument un pédophile. Mais, en tout cas. J'ai été fucked up. J'étais comme ça, là. C'était ces enfants-là grandissent avec des mimes. Ouais. De quoi? Non, on parle juste de pédophiles, Milton. Ok. Moi, je parle de la voix junior. Essayons d'avoir juste une émission en même temps, les boys. Tabarnak. Fuck les pédophiles en passant. Tout ça pour dire que c'est de la pure intimidation live à TV faite par Production J. McLeod était là. Dans tes dents, Marc Dupré. Puis c'était juste bad. C'est evil, ce show-là. C'est quoi que j'ai d'autre ici? On a fait une mini mutinerie à Jobs. C'était hot. On avait un déjeuner de premier, genre lundi matin. Puis là, notre nouveau boss, il l'a comme annulé. Je sais qu'il écoute pas. Fait que ça, c'est ton plus-value pour l'auditeur, c'est ça? Ouais, c'est comme un bonus. C'est ce que t'as le quand tu payes sur le Patreon. Non, mais parce que j'ai fait ça. Mais pas ça sur Facebook. Peut-être qu'il me suit, mon boss. T'es déjà sûr. Mais il y a un nouveau, en tout cas. On avait un déjeuner de promis, puis payé, puis on l'a pas eu parce qu'il a décidé à 10 minutes avant le déjeuner de le canceller parce que c'était le nouveau boss. Puis du moins, je le savais pas, nanana. Fait qu'on est allé pareil, puis c'est ça. On a eu notre déjeuner, puis finalement, on va être payé. Puis ma vraie question... Oh, oui. J'ai vu dernièrement, c'est peut-être un vieux sujet, mais je lisais un article là-dessus, puis je trouve que c'est de la merde. Il y a du monde qui chialait parce que dans Mafia 3, tu joues un personnage black. Et fait qu'eux autres, ils ont pas acheté Watch Dogs 2, hein. Mais je comprends juste pas à quel point. Parce qu'il est noir. Il était comme, genre... moi, je me reconnais pas dans le bonhomme. Mais tu sais, gars, même si Nathan Drake, c'est un blanc, là, je me reconnais pas plus dedans, là. C'est quoi cette attitude d'affaire? Le gars, il vole des tombes, puis il grimpe partout. C'est pas moi, ça, là. C'est ouais, un même jeu. Même à ça, attends, peux-tu juste faire un aparté? C'est... Un jeu vidéo, là, c'est pas un moyen d'évader de sa vie normale. Je comprends pas pourquoi il y a du monde qui capote là-dessus. Ben, exactement. 99% des... Ben, je dis 99, ça, c'est une statistique random, là. Mais les jeux, tu te vois même pas. Ouais, mais même à ça, c'est est-ce que tu vois ta main. Est-ce que je voudrais jouer à un jeu où à chaque matin, ben je me réveille, je prends mes courriels, je vais travailler, je reviens, je fais un souper, puis je passe la balayeuse à 10 ans. Sims. Là, je relate au bout à ce personnage là, mais Chris, effectivement, je comprends peu importe pas la couleur de la peau. Le but c'est pas d'être 100% pareil comme le bonhomme. Mais c'est ça, je comprenais pas que ça l'a offusqué du monde de jouer un jeu. OK, Mafia 3 c'est pas le jeu de l'année là, loin de là, mais Chris dis, j'achèterai pas le jeu parce qu'il est noir. Hein? Ah non, regarde ça. Ça m'a tué, là. Non, ben, c'est que les autres, ils jouent Grand Theft Auto 5 pis Steve Franklin. C'est ça, je catchais pas. J'étais comme, t'as-tu pas acheté Grand Theft à cause de ça? T'es ouais, mais Milter, fuck Watch on est Dogs. En 2016. T'es-tu surpris? Oui, l'année c'est ça l'affaire. L'année où tout le monde chiale sur Internet. Ah, je parlais pas assez devant mon micro. Tu me regardais. Ouais. J'étais comme omnibulé par ton charisme. Mais je comprends juste pas. Est-ce que c'est un mot correct, ça, omnibulé? Dois-tu te faire corriger? Ouais, je sais pas ça. Tout va bien. Mais non, c'était juste ça. Okay. 2016, l'année où ce que tout le monde chiale juste pour chialer. Là. Ouais, c'est peut-être ça, mais vous tout autres... Tout le monde meurt. Y a-tu un jeu... Oh, pas pour la couleur, là, je sais que vous autres, ça vous dérangera pas, mais y a-tu une fois que vous avez joué un jeu puis que vous avez vraiment fait comme... Non, fuck this game, je me reconnais pas dans le personnage, pas en tout. Ben, jamais de la vie. J'ai fait des jeux fuck this game, mais pas parce que... Pas à cause de ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec San Andreas? Le monde, ils ont commencé San Andreas, c'est l'Internet... Ils l'ont pas acheté, ce monde-là? Ah, écoute, moi, quand je jouais à Metroid, Super Metroid, tu te reconnaissais. À la fin, j'ai brûlé Metroid. Un peu, tabarnak, c'était une femme. Ah. Puis là, je me suis re-questionné sur ma sexualité. Mais ça tentait pas de te re-questionner quand elle se mettait en boule, qui était biologiquement, physiquement impossible. Non, en fait, le vrai questionnement que j'ai eu de Metroid, c'était, c'est-tu des croissants ou il y a vraiment quelqu'un qui a fait un character design de même? Moi, avec. C'était comme... Chris, pourquoi quand il y a croissant tu au dessus, beurre, il fait un bruit d'harmonica, le croissant. Il est comme, what the fuck? Mais en tout cas, je comprends pas que le monde joue pas un jeu parce qu'il dit je me reconnais pas. On a Maxime Gagnon sur Facebook qui nous mentionne McKids au NES quand j'étais jeune. Lui, il s'associait pas à ça pendant tout. Je me vois pas comme un clown pédophile. Il n'y a rien qui assume qu'il est pédophile, Ronald McDonald. Ben, il y a beaucoup d'enfants qui sont ici. C'est ça. Le costume ne fait pas le pédophile. Mais c'était ça. Merci, Joe. Fait qu'il y a-tu quelqu'un d'autre? On a un commentaire qui vient de... Rick? C'est moi, ouais. Sur Twitch. Hop, on a un commentaire Twitch. De Jérémy Gilbert, 24. Oui, Bacon. Bien à vous, Monsieur Gilbert. Il dit que lui, il trouve que Life is Strange est un des meilleurs scénarios de jeu ever. C'est incroyable. Et à 6 piastres. Et on parle que c'est une fille adolescente de 17 ans qui est l'actrice principale. Joe, il est en train de manger sa commandite. Ben oui. En hey, passant, Joe, on peut-tu goûter à ta commandite, tu penses? Tant qu'il mange pas son commanditaire, on est correct. Non, moi, je suis correct. Eric est en train de nous parler de son actualité. Petite note, Life is Strange, j'avais joué la première émission, la première épisode avec ma femme. On a adoré ça, Life is Strange. C'est vraiment un excellent jeu d'aventure. Je vais sûrement l'essayer, tu l'as downloadé. Je l'ai acheté, là, à 6 piastres. Je l'ai acheté, là, il était à 6 piastres pendant Black Friday. Ah, ça, c'est un autre des achats que j'ai fait pendant que j'étais en ligne. Pour le Black Friday, mais Life is Strange, c'est un must, puis oui, c'est une jeune fille adolescente en crise d'adolescence, puis qu'il y a une grosse fucking tournade. Je pense qu'elle est lesbienne, mais c'est peut-être un spoiler, je sais pas. En fait, je pense que t'as assumé son orientation. C'est toi qui décides? Non, je pense que c'est juste un autre. On ne sait pas encore, mais moi, dans les premiers épisodes... Ça change quoi, l'histoire? Ben oui, c'est ça le punch de l'histoire. Regarde, t'as-tu vu Black Swan, André? Non, je ne sais pas. Vu Black Swan? Non. Non, t'as jamais vu Black Swan? Le film de Black Swan, ça manque. Pour de vrai, là, t'as jamais vu Black Swan? Il est dans la même pile que Titanic. Un film de ballet. Tu me niaises? Non, non. Non, je suis sérieux, j'ai jamais vu Black Swan puis Titanic. Ok, ben Titanic, j'ai jamais vu. Mais Black Swan, ok. Black Swan, regarde ça. Puis quand tu vas le regarder, tu vas dire, ah, c'est pour ça qu'Éric me dit de regarder Black Swan. Bon, sur ça... André qui roule ses yeux puis il est comme pas trop sûr. Non, il doit avoir de quoi avec Mila Kunis. C'est une film de... Non, tu penses que c'est juste Mila Kunis? Oh non, my friend. Non, il y a de quoi avec Mila Kunis. C'est Princesse Amidala. Il y a de quoi... Ok, focus. Éric, actualité, s'il te plaît, afin qu'on puisse débuter cet épisode. So, moi, j'avais pas vraiment d'actualité, à part du fait que je voulais partager mon amour du fait que j'ai réalisé la semaine passée, j'ai remplacé... je fais DJ, animation dans Arcade Montréal, des affaires comme ça me fait triper ben raide. Puis je me suis acheté, depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai acheté des petits morceaux d'équipement. J'ai un DJ WeGo de Pioneer que j'utilise avec ma tablette pour faire du mixing, des affaires comme ça. Puis j'ai retrouvé un amour pour le mixage que j'avais pas perdu, mais que quelque chose qui était un grand rêve et une grande partie de ma vie dans mon adolescence. Puis que dernièrement, à cause des très bonnes chances, puis être entouré de gens vraiment cool qui ont été assez braves de me donner la chance de faire ça. Mais là, dernièrement, une fois par semaine, je fais le bacon partout, guys. Une fois par semaine, je fais le... Juste dans ma bouche, ouais. Il est pas partout. Mais une fois par semaine, tu sais, je suis dans un bar qui est quand même très legit de Montréal, puis je suis en train de mettre de la musique avec du monde qui écoute puis qui capote bien raide. Puis j'ai retrouvé un amour pour ça, puis j'ai réalisé que j'étais un peu en train de vivre un rêve, que je mets de la musique pour du monde dans un bar. C'est quelque chose que quand j'étais jeune... Dans un bar cool, en plus. Dans un bar très cool. Moi, j'ai rajouté le bar de l'année 2016. Quel bar? Mais j'ai dit l'Arcade Montréal au début. Non, mais c'est parce qu'on dit jamais assez que tu travailles à Arcade Montréal aussi également. Un excellent bar de Montréal à aller visiter. Oui, on le dit assez souvent. Tu dis que c'était le bar de l'année 2016? Ben, je pense que oui. Ça devrait l'être, là. Mais si ça l'est pas, ça l'est dans notre cœur. Ça va l'être. Mais dernièrement, je commence à vraiment retrouver un amour pour ça, puis c'est quelque chose qui me fait vraiment triper. Puis aussi, on a commencé à faire des petites choses un petit peu différentes dernièrement, où ce que, par exemple, samedi passé, j'ai remplacé l'excellent Arnaud, qui est là habituellement les samedis soirs, puis j'ai eu la chance de le remplacer. Puis on donne des drinks, on call des challenges un petit peu random dans le bar, où ce que je vois quelqu'un t'es joué à un jeu, puis je leur dis s'il finissent ça. C'est toi le gars avec la bouteille de mousseux? Hein? C'est toi le gars avec la bouteille de mousseux? Tu pourrais dire, ouais. Mais en tout cas, tout ça pour dire que je trippe ben raide. Je fais des sets dernièrement sur Mixler. Je suis en train de pratiquer des affaires. On a des idées qui vont peut-être arriver pendant Montréal Nuit Blanche, où ce que on va peut-être faire un événement spécial à suivre. Y a-tu des gants de crin puis du Vic? Si tu veux. Oui. Mais t'as dit la gangrène et du Vic, c'est ça que t'as dit? La gangrène. Un gant de crin. OK. Pour se faire les massages. Rick, tu as de la gangrène. Mets du Vicks sur ta gangrène, vois si ça chauffe. Tabarnak. Mais j'ai jamais eu à gangrène, mais je voulais juste partager le fait que depuis que j'étais un enfant, moi quand j'étais jeune, j'ai fait ben des raves, je faisais ça, je rêvais, j'avais un show de radio beaucoup trop jeune sur la radio communautaire où ce que je rencontrais toute la scène de les hauts placés de rave trop jeune à Ottawa, puis je rêvais de faire ça, puis à un moment donné, j'ai perdu un petit peu la balle de tout ça avec des affaires personnelles, puis là, je tentais de retomber là-dessus, puis je voulais juste partager le fait que je trippe, je vis un petit peu un rêve en ce moment à cause de ça, puis aussi, dans mes nouvelles, je voulais aussi lancer le fait que j'ai vu Fantastic Beasts and Where to Find Them, qui est un nouveau film dans l'univers de... Harry Potter, ouais. Mon nom de rapper, c'est ça. Fucking bon, hein? Harry Potter. J'ai ça de même. And the Mysterious Beast. C'est mon nom de rapper avec mon crew. Mais j'ai un amour pour la série complète de Harry Potter cinématographique. J'ai jamais lu les livres. Je pense que j'ai essayé un livre à un moment donné, mais j'ai jamais accroché. Mais les films, à partir de Prisoner of Azkaban, un peu. Parce que les deux premiers, tu sais, c'est du Chris Columbus, en parlant de Home Alone de tantôt. Tu sais, c'est du Chris Columbus. C'est moi, je pensais le gars qui avait découvert l'Amérique. Ouais, c'est ça, moi, avec. C'est quoi le rapport avec Home Alone? C'est quoi, sérieux? Il cherchait la route des Indes? C'est le producteur. C'est le réalisateur, c'était Chris Columbus. C'est ouais. T'as des détails trop... Ben, sorry, là, mais c'est comme du basic... Ah, c'est du fucking basic film knowledge, basic les gars, là. Film knowledge. Bon. Si vous connaissez pas Chris Columbus, là, t'as jamais vu le... C'est quoi le film avec Robin Williams? C'est un robot, là. 1842, là. Non. Toys? Non, ce qui est un robot. Ah, c'est vrai, hein? Spoiler, Milter, oh. Spoiler! Non, pour de vrai, c'est sa sœur qui est un robot, pas lui. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. Focus! Mais, spoiler. Depuis que j'ai commencé les. Ma femme, c'est une grande fan de Harry Potter, puis j'ai toujours regardé les Harry Potter, on joue les jeux, des affaires comme ça, puis depuis que. Je pense que c'était Alfonso Cuarón. Le gars dans Fresh Prince of Bel-Air. Le seul gars qui est destiné, c'est lui. Arrêtez de capoter quand je nomme un nom de réalisateur. Vous avez pas vu Gravity, vous avez pas, tu sais, c'est quand même, en tout cas, calmez-vous. Je sais pas c'est qui l'a fait. Je sais pas comme des jeunes filles qui se font surprendre par un gros pénis juste à cause que je nomme un nom de réalisateur que vous avez jamais vu. Ça, c'est un peu wrong, hein. So big. On parle de Harry Potter. Mais tout ça pour dire que j'adore ça, puis j'étais allé voir ça, j'adore toute la série, c'est vraiment le fun. Puis on est allé voir Fantastic Beasts and Where to Find Them avec Julie, puis c'est vraiment à voir, tu vois vraiment un angle de américaine en fait, quelque chose qu'on voyait pas aucunement dans les Harry Potter, mais là on a vraiment un point de vue américain de ça, on voit qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, on voit le Wizarding World là-bas, t'as les non-mage maintenant au lieu des muggles. Tu sais, il y a des noms spéciaux. T'entends le monde parler de l'école aux États-Unis la première fois, contrairement à toujours Hogwarts. Mais tu vois qu'il y a aussi, genre, chaque pays ont leur école de magie reconnue, un petit peu comme ça. Puis c'est ça, c'était vraiment bon. Les effets spéciaux sont absolument hallucinants. Johnny Depp, il est dedans aussi à la fin. Il joue un gros méchant qu'on n'est pas supposé de savoir c'est qui il avant la fin. Il frappe sa femme. Ah oui! C'est ça, Colin Farrell. Ouais. C'est ça, Colin Farrell. C'est ça, right? Farrell. Le gars dans Daredevil avec Ben Affleck. Le gars qui joue dans Daredevil avec Ben Affleck. C'est lui le gars avec le Target. Ouais, c'est Deadeye, man. Ah, oh, c'est vrai, il joue Deadeye, j'ai oublié. Bullseye. Mais anyway. Générique avec une cible. Lui, il est dedans, puis finalement, tu te rends compte que c'est Johnny Depp qui joue un gros méchant. Que moi je connaissais pas, mais ça a l'air que c'est le gros méchant qui était le lover de Dumbledore. Je m'en vais un petit peu loin là, mais le gay lover de Dumbledore. Ça a l'air qu'il y a une allusion, il y avait son bon chum qui est moi j'aurais parié que c'était Hagrid. Ouais, Hagrid, lui, Hagrid, c'est un estime. J'ai aucune idée. Hagrid, il faut les animaux, lui, je pense. Puis, c'était quoi, les Mysterious Beasts? Puis, ben, c'est ça, les Mysterious Beasts. And you know where to find them. Là, j'ai le goût d'écouter Harry Potter comprendre tout ça. Mais le Benoît, merci. Il voulait juste dire merci du spoiler. Ah, ça fait plaisir. Moi, je suis là pour ça. Pourquoi t'as spoilé le film? J'ai pas spoilé aucun film. J'ai même pas dit c'est qui le méchant. C'est pas Johnny Depp? Ah oui, Johnny Depp. Qui est Colin Farrell, finalement? Tabarnak! C'est Bullseye, le méchant. OK! Non, arrête. Regarde, c'était même pas vrai qu'est-ce que j'ai dit, là. Va voir le film, tu vas comprendre. Mais Ben, en passant, pourquoi t'es pas allé voir le film encore, là? Coudonc, tu vas prendre ton temps comme Star Trek. Parce que Ben est occupé à finir son studio des Mystérieux Étonnants. C'est vrai, Ben est très occupé. Qu'est-ce qu'on devrait finir, nous autres? L'actualité. OK, puis là, je vais finir ça avec ça ici. Fantastic Beasts and Where to Find Them, c'est un film fantastique. regarde ça. Moi, ça me faisait penser à Dr. Doolittle, mais pas le Dr. Doolittle de... Pas le Dr. Doolittle de Eddie Murphy. Oh, okay. Le vieux Dr. Doolittle où il se promenait sur une grosse chenille dans la carapace, puis comme tu rentrais dans la chenille, puis t'avais comme un gros bureau puis une maison. Mais dans Fantastic Beasts, ben t'as la valise qui était écœurante, puis c'est fantastique, puis c'est hot, puis voir ça. Dans le fond, c'est comme Sport Billy. Pis c'est comme, j'ai aucune idée c'est quoi Sport Billy. Moi, j'approuve. Ouais. Sacrement, vous connaissez pas Alfonso Cuarón, mais vous connaissez Sport Billy. Sport Billy, il y avait un sac de sport qui sortait des petites affaires, il mettait au soleil. Mais le sac était tout petit. Sport. Mais moi, je sors, on va-tu le voir ou on va pas le voir? Hein? Il vient de dire, allez le voir. Ah non, moi, je vais le voir, je donne un 9.6 sur 10. Parce et que voilà. Et c'était donc l'actualité. Les effets spéciaux sont écœurants. Désolé pour les spoilers, mais je m'en calisse. Pour finir tout ça, là, je voudrais juste confirmer que Chris Columbus a réalisé Home Alone 1 et 2. Ben je sais, c'est ça que j'ai dit. Puis le Millennium Man là, avec Robin Williams, là, qui joue le robot. Là. Toys. Non, c'est Robot et Millennium Man. iRobot. Non, l'autre. Là, messieurs, sur ce, on va prendre... un petit 2-3 oui. minutes de pause parce que je vois Milter qui est clairement Jack Link's bacon jerky. Ah ouais, j'ai même pas pris un. Fait que guys, de retour dans quelques minutes pour le sujet principal et sur ce ben on fait un petit pépi, on se ravitaille et de retour. Donc de retour de ces courte pause. Fait guys, le sujet de ce soir, suite à cette actualité d'1h04, tabarnak. OK, on a dérapé solide ce soir. 5 minutes chaque d'actualité, ce qui donne 1h04 d'actualité en réalité. C'est 5 minutes chaque par sujet. Qu'est-ce que ça va être su, j'aurais fait ça plus longtemps. Bon. Fait que, guys, ce soir, Guillaume va prendre la barre de l'animation et je vais l'épauler là-dedans parce que c'est ton sujet qu'on prend, Guillaume, ce soir. Puis je pense que les auditeurs vont être incroyablement surpris de voir qu'on va parler de collectionner. Oui, en fait, pour emprunter les mots d'un duo prolifique au Québec. Dominique et Martin. Les Denis de Relais. Collectionner, c'est sérieux. Les Denis de Relais. Oh! Giz. Ah, les jeux, c'est sérieux. Giz et Laurent. Oh! J'avais pas catché. Mais je me sens... faut faire attention à ce qu'on dit, les gars, parce qu'on a des grosses pointures du collectionnement. Dans la salle. Calme-toi. On dit pas le collectionnement. Dans la salle? Dans la salle virtuelle de Twitch. Benoît Mercier est avec nous. Je suis sûr que aussi, Jonathan Brochu, en tout cas, était là tantôt. On sait qu'il il a posté sur notre page Facebook durant la journée. T'es-tu en train de subtilement name-dropper du monde populaire pour dire qu'il nous écoute? En fait, pour je ne connais même pas Jonathan Brochu, autre que j'ai lu. Mais si tu parles de collection de jeux, il y a Dom déjà là-dedans. Dom qui est sur Facebook. Qu'il y a, je Dom, pense qu'il y a un problème mental. Dans la salle virtuelle. Parce que je veux quand même une spécificité virtuelle pour André. Et, ou pour pas qu'il pense qu'il y ait du monde qui est entré dans son... Parle pas trop de... Parce que si Dom il est là, j'ai vu sa collection assez souvent, puis ce gars-là, c'est legit as fuck. Là. Oui, en effet. Puis justement, Dom était un peu... Pas juste lui, mais Dom, moi aussi, était un peu l'inspiration du sujet. Black Friday aussi est rentré dans cette espèce de sphère de réflexion que j'avais, qui me suit depuis quelque temps. Chris, t'es bien bon. Oui, mais en fait, je suis comme ça. Non, mais ma table, mon gars, c'est incroyable. Ben, moi, mon problème, c'est que souvent, je mets trop la table. Genre, à un moment donné, j'aurais une table de convive pour 85 personnes, puis finalement, il n'y a personne qui me suit. Fait que c'est un peu pour ça, mais t'es bien bon. Oh, pas si bien. Donc, je pense qu'André a essayé de te dire, porte-moi un podcast seul. Notre objectif, non. C'est, on veut discuter, un peu démystifier le collectionnement, qui est l'art de collectionner, que ce soit des jeux vidéo, des comics, des vinyles, des chars. Je veux dire, on n'a qu'à regarder Extreme Car Collection sur YouTube, puis on s'entend qu'il y a des princes arabes multimilliardaires qui ont des méchantes belles collections d'auto. T'es qui, toi, assumé qu'ils sont arabes? Parce que c'est écrit, puis parce il y a une photo de avec leur toche blanche. Il crie tout le long du vidéo. Puis à la fin, il explose, c'est ça, faut dire? Oh! Là, tu viens de perdre tous tes points d'animateur. Voilà. Sacrament! Milter, il irait même pas là. Si, ouais. Il a déjà été, c'est pour ça qu'il retournera pas. On sera jamais endossé par Jack Slings. En passant, là, ça c'était notre faute. Ça c'était la faute de moi et Milter. C'est quoi vous l'avez seté là-dessus? Ok, bon, c'est pas grave, regarde. Donc, on rentre pas là-dedans. Toute collection est bonne. Et il y en a qui sont excessivement plus intenses que d'autres. Mais c'est pas quelqu'un qui collectionne de façon plus traditionnelle ou plus, on pourrait dire, casual. et pas moins un collectionneur pour autant. Je veux dire, il y a autant de crédit, de tant de qualité, il sera pas jugé, tu sais, vidéo. C'est pas parce qu'exemple Dom a 42 millions de jeux qu'il est meilleur collectionneur que quelqu'un qui en a 75, mettons comme Eric, que je sais pas, il y en a combien, il y en a moins. De quoi, ça, de jeu? Non, moi, je parlais à temps que c'est pas parce que t'as plus de ta collection plus grosse. Ben, on va en arriver à ça quand moi je vais parler de ma collection, c'est correct. Dans le fond, ouais, je comprends que tu veux parler de ça, d'aspect. On veut essayer de démystifier ça parce qu'on s'entend collectionner, c'est ça a le dos large. Tu sais, on parle que ce soit au niveau de l'achat, tu sais, les échanges entre collectionneurs. Donc, quand on était jeune, on se rappelait, on avait les cartes d'hockey, puis on échangeait un Jagger contre un Iserman. Un Timu Silani. Ouais, recru dans un gros case en acrylique de 3 pouces d'épais. Avec des vis. Pour nous, les gens de notre génération, et sûrement aussi les plus jeunes, je regarde mon gars maintenant qui collectionne des cartes Pokémon, ça vient nous chercher assez tôt. Je sais pas qu'est-ce qui nous prédispose en tant qu'être humain d'espèce d'avoir... Puis c'est pas tout le monde, tu sais, il y en a qui s'en foutent, là, mais de nous trigger à vouloir collectionner. Moi, je l'assume, je veux dire, je collectionne des bandes dessinées, je collectionne aussi certains vinyles, mais pas n'importe quoi. J'ai pas l'intention d'avoir un full set. Puis, tu sais, moi, je gravite beaucoup dans les groupes de bandes dessinées sur Facebook. C'est pas une chose que t'aimes. Où je suis, par exemple, un artiste. Mais il y en a un exemple, là, récemment, j'ai vu un dude a fait un full set de Amazing Spider-Man. On s'entend, Amazing Spider-Man, c'est dans le premier volume, 700 numéros. Ça a commencé dans les années 60. Puis le premier vaut environ 60 000 piastres. So, ça fait un full set d'NES avoir de l'air ben oui, jeu ça d'enfant. Met, les choses sont se mettent en perspective. Pas mal, mais on ouais. s'entend, il y en a beaucoup à collecter. Puis il y en a qui... J'ai l'impression que des fois, il y en a, puis ça c'est mon opinion personnelle, il y en a qui se perdent là-dedans. Moi, j'ai toutes les cartes de hockey qu'il y avait dans le pain pomme puis Guillaume. Weston. Oui, le Pro 7. Pas Weston. Weston, c'est le mal. Sacrement, ouais. Guillaume. T'as-tu vu Guillaume a appelé le Pro 7 92-93? Ça, j'ai dit un des cartes de baseball. Les scores. Du baseball. Upper deck. OK, là, on veut pas le déraper, là. Il set la table en ce moment. Pas mal mis à la table. Oui, pas mal mis. Puis dans le fond, moi, je veux savoir, quand c'est un tour de table, là, qu'est-ce que vous collectionnez? Calice, commence au bord. Bande dessinée. Mais moi, je vais commencer. Non. Hey. Comic book. Dead Rising. C'est ce que je voulais en venir. Comic book. Boîte de céréales cool. Film de série. Non, mais tu sais, boîte de céréales film cool. Film de là, série Z avec des zombies puis des monstres vraiment louches. Et comme Rick a pété le punch, j'ai lâché un peu les jeux en général parce que j'achète beaucoup de digital à Star et tout, mais j'ai décidé que je me prends une collection de jeux Dead Rising et que toutes les versions physiques du jeu Dead Rising, peu importe le jeu dans la série, je vais l'acheter. Peut-être pas sûr à 80$, je vais pas en acheter 800 là, mais je parle quand je vais pogner des bons deals ou s'il y a des gens qui veulent me donner des dons. Parce que okay. Ça vaut rien. Non, podcast mais tu commercial Geek si le monde, ils ont Dead Rising, Chop Till You Drop ou Wii qui vaut 2$, qui est pourri. Moi, je le veux juste pour le fun de l'avoir. T'es au courant qu'on peut t'en trouver, hein, puis des je te le donne. Je te l'apporte à la fois. Merci. Je veux juste me faire une bibliothèque pleine du jeu Dead Rising. Moi, j'aimerais ça faire un shout-out à Nick Dénommé qui était dans le podcast auparavant. Nick, on sent plein de toi. Vinyle. Nick... Sa vraie collection, en fait, c'est tous les films qui ont des requins dedans. Ouais, aussi. C'est ça, vrai. C'est malade. Pour ceux qui écoutaient le collectif dans le temps, mais c'est des t-shirts aussi. Il y a des t-shirts. Tout ce qu'il y a des requins dessus, Nick, il y a une obsession là-dedans, puis c'était malade, tu sais. Comment ça que lui et Marie-Hélène Jeannette se sont jamais rencontrés? Probablement à cause de la blonde de Nick, mais. Fait que, mais c'est ça, lui, tout ce qui est requin-related, ouais. Il y en a. Ça, c'était malade, ça. C'est vrai, ça. Ben moi c'est jeux vidéo pas mal. Et pour citer Michael LaRouche Ocean. Non mais ça c'est une petite série que je me suis parti une parce collection que, dans une collection. Check, je vais expliquer mon parcours en collectionnement de jeux vidéo. Fait que moi je suis passionné de jeux vidéo depuis que je peux me le rappeler. Je suis un des plus grands tripeux de jeux vidéo. J'aime jouer des jeux vidéo, je suis amoureux de jeux vidéo. Mais je serai jamais amoureux au point où ce que je vais aller me coller un full set, comme que toi tu parlais. Toi tu parles des full sets de Amazing Spider-Man, mais moi, tu sais, des full sets de Xbox, des full sets de Super NES, des full sets d'Atari, des full sets de jeux non officiels, comme que Jean Brochu fait, des full sets de jeux vidéo. Pour moi, je vais jamais être craqué au point où ce que j'en reviens fou pour ça. Mais je suis... Moi, ma collection de jeux vidéo, c'est ma collection de jeux vidéo. C'est les jeux que je me suis acheté quand ils ont sorti. C'est des jeux que je me suis procuré. Qui est important pour toi. Qui sont importants pour moi. Puis, il y en a que j'ai tombé dessus au hasard au fil des années. Des jeux que j'avais perdu de vue. Des jeux que j'avais vendus quand j'étais jeune puis que j'ai décidé de retrouver. Mais c'est ma collection de jeux. Puis, c'est drôle parce que en ce moment, on est dans un... J'en parle pas trop, mais je suis dans un moment de déménagement en ce moment. Où ce que hier, j'ai dû pacter une grande partie de ma collection. Puis, j'ai déjà une grosse partie que j'avais déjà mis en storage dans mon duplex que je vais déménager à éventuellement. Rick, mais, c'est un gros magnat de l'immobilier. Là. Je suis pas un magnat d'immobilier, mais j'ai été très chanceux dans ce département-là. Donald Trump, Rick. Schlager style. Mais j'étais en train de pacter mes affaires. Puis j'ai pris hier, je prenais des photos aussi parce que j'étais en train de tout nettoyer ma collection que j'avais. Puis j'ai une grosse collection. Moi, la sixième génération, c'est la génération qui me fait bien triper. Des jeux d'Xbox, des jeux de PS2, des jeux de Dreamcast, si je peux en retrouver. J'ai encore ma Dreamcast que j'ai acheté quand j'ai acheté une Dreamcast quand elle s'est faite annuler. M'a toujours me rappelé du jour, j'ai acheté une Dreamcast, elle était rendue à 120$, j'étais comme yes, je me pogne une next gen qui s'en va sur l'internet, je vais pouvoir regarder du fucking porn sur ma télé à travers mon AT&T. C'est même pas une blague là. Comme la Dreamcast là, c'était next révolutionnaire. Level. Donc quand tu l'as acheté, tu savais pas qu'elle allait être cancellée. Écoute, l'histoire est incroyable. J'achète ma Dreamcast, j'achète aussi ma nouvelle revue de next gen parce que tu sais, j'étais pas en train de regarder, je savais celle qui mentionnait que la Dreamcast était cancellée. Attends. So, j'ai déjà dit cette histoire-là. Là. Fait que là, je suis dans l'autobus. Dans le temps, je vivais à Elmer, mais j'achète l'affaire à Ottawa. J'embarque dans mon autobus pour 40 minutes pour me rendre chez nous. Puis je commence à lire mon Next Gen. Puis comme je te dis, c'était une époque où ce que oui, je suivais les nouvelles sur l'internet, mais j'avais pas les notifications chaque minute. J'avais rien comme ça. Puis j'existais juste pas, là, c'est pas de ta faute. J'ai mon Dreamcast tout neuf, j'ai Vanishing Point là-dedans, j'ai Code Veronica, je suis tout fucking prêt à fucking Dreamcast that shit up chez nous, je suis tout content, il était pas cher, je capote. J'arrive à genre 7e page, puis la 7e page, je vois Sonic quand t'as tiré la plug sa Dreamcast. 2000 problems, là. C'était très drôle. Mais anyway, c'est tout ça pour dire que ma collection de jeux vidéo, ça axe beaucoup sur la 6e génération. J'ai des petits jeux de NES, j'ai la série de Ocean que je me suis parti. Puis ça, c'est très cool. J'ai de l'aide de la communauté de gaming. Je suis très chanceux d'avoir rencontré parmi les gars les plus cool, les personnes les plus cool de l'univers du gaming au Québec, du collectionneur de gaming. Fait que j'ai bien des ressources qui me donnent accès à ça. Puis ma collection de Ocean, elle arrive proche. J'étais à comme 4 jeux d'avoir un full set de Ocean au Super NES. Mais là, je suis rendu dans un territoire louche un peu. Là, il y a comme une Super Turrican qui est à 200$. J'ai un Kid Cleats qui est à 120$. C'est le dernier mille qui est toujours... Ouais, mais j'ai été chanceux sur une couple de coups. J'ai le King de Saint-Eustache, Vincent Laniel, que le monde qui le connaisse, c'est un des gars les plus cool au monde. Puis lui, il m'a déjà donné deux de ma collection. Brochu, Jonathan m'en a aidé là-dessus. On a fait des achats, on a fait du game chasing avec... Ça. Tu n'avais pogné au Geek non, Fest. Pas au Geek Fest, au festival Retro Gaming, je n'ai pogné deux. Ouais. Mais quand on a fait notre game chasing avec Carl, je n'ai pas pogné un parce qu'il y avait la fameuse Adam Sandler Value qui était crissement overpriced. Adam Families, Adam Sandler. Ça, ça aurait fait un criss de bon jeu, ça. Adam Sandler. On se le disait, ça, quand le dude il était comme Adam Sandler Value en pognant le prix de son boss au téléphone. Mais gaming pour moi, jeux vidéo, ma collection, j'ai une collection que je suis très fier de. J'ai des très beaux jeux legit au PlayStation, j'ai des jeux legit au SNES. Puis tout ça pour dire un de mes coups de cœur que j'aime bien, ben c'est le Aerobiz Supersonic. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau de Dominique et Martin. D'Arcade Montréal. Oh. OK, pas le duo du monde. Pas le qui louche là. Il y en a fait, ce que les gens savent peut-être peu de toi, c'est que t'as quand même un gros knowledge de comic book. Moins que jeux vidéo, mais je suis correct dans comic. Mais non, mais ouais. tu te laisses pas ta place. Est-ce que donc tu te considérerais aussi collectionneur de bande dessinée ou t'es plus juste un amateur? Dans les BD, je suis un collectionneur de trade paperback. Ben non, mais c'est déjà... Pas pire, ça oui, compte-tu, c'est correct, ça, ouais. C'est une collection qui est quand même valide. C'est... Ouais, mais... Mais tout est valide. Comme ma mère, quand j'étais jeune, moi, ma mère avait sa collection de Daniel Steele. Tu collectionnes des élastiques, ah ouais, c'est fait que les gars qui collectionnent du trade paperback, c'est des lecteurs de Daniel Steele. Non, mais je dis dans le sens que c'est... Sont comme une coche en bas. tout mais... est bon à collectionner. Je veux dire, c'est pas parce qu'exemple, ouais, moi, non, je recherche des single issues particuliers que je suis, comme je disais, je suis supérieur au niveau mais de la hiérarchie. Mais les singles, il n'y a pas de hiérarchie, d'après moi. Ben tu collectionnes aussi, pour toi, mais des single issues, on s'entend que c'est comme tu vas le step plus loin que de collectionner des trades, là. C'est... Mais je dérape, là, je sais pas si c'est... C'est pas une hiérarchie que je veux dire, mais c'est quoi qui André, vaut cher, c'est le... André, il collectionne quand même pas mal... Je sais qu'André, lui, il collectionne des belles choses. On est chez eux en ce moment. Ouais, André, il collectionne du hip stuff, là. Il est hip, c'est un chic tip, hipster geek lifestyle stuff. Calice. Ben, c'est ça, c'est ça. Ben, non, mais... check ton Darth Vader de Noël. Si c'est pas hipster, ça... Que tu m'as donné! Gars... Que tu m'as donné. Non, mais en réalité, je vous écoute parler de collectionner, puis je suis comme, bon, ben, calice. D'un, t'as pas fait tes recherches pour le show, puis de deux, ben, trouve-toi de quoi. Mais très honnêtement, j'ai pas de collection comme il se doit. Moi, c'est plus, j'ai des préférences dans ce que j'achète. J'aime beaucoup tout ce qui est meubles 60-70, les meubles en tech, les affaires de même, comme la vieille console derrière, qui est un genre de radio allemand à tube avec un buffet pour... Non, mais je trippe ces affaires de même. Mais sais-tu, plus j'y pense, plus je dois m'avouer que j'ai un penchant pour tout ce qui est Ninja Turtles. Ouais. On le voit par les cartes de Christian Bolanos. Mais tu sais, t'achètes pas nécessairement les comics full set puis tous les bonhommes, les figurines. J'ai acheté digital les comics pour les lire parce que je voulais payer pour encourager puis vraiment comme les lire. Mais honnêtement, dans le sapin, j'ai des... oui, parce que mon sapin est déjà fait, là, jugez-moi pas, mais regarde. Il y a un BB-8. Il y a des Donatello dans le sapin, justement. Ah, je vois le Donatello en forme de gingerbread cookie. Tout ce qui est Donatello, j'ai un penchant pour ça. Chewbacca. J'ai des trucs de Star Wars. Enfin, je peux pas me limiter. T'as un mignon. Je veux juste spécifier qu'il y a un mignon. J'ai beaucoup de trucs de Star Wars qui sont partout. T'as-tu vu comment qu'il a ignoré une mignon? Ben, je l'ignore en tabarnak parce qu'il y en a d'autres qui s'en viennent. Avant qu'on dérape mais... trop, je suis pas sûr, mais tu vas-tu demander tantôt c'est quoi qui est notre affaire de plus grande valeur? Peut-être. OK. Excusez-moi. Mais somme toute, je te dirais, j'ai eu la chance un peu comme Rick. Tu sais, les gens m'ont quand même bien sizé. C'est un peu drôle, c'est un peu le running gag, même à la job, tu sais, lui, c'est un geek. T'as-tu, parce que le monde m'appelle le geek, le là, geek. Parce que c'est geek, mais bon, en tout cas. T'as-tu un ornement de Noël du, c'est quoi, Sebulba? Non, j'ai pas Sebulba. J'aurais aimé beaucoup avoir Sebulba. Mais en réalité, comment je peux dire ça? J'ai comme la chance d'avoir ma petite chaumière pour l'instant qui va se résumer à une pièce éventuellement quand je vais emménager avec ma copine. Mais chaque truc est sélectionné. Avant le wow, André, là, avant que tu dises éventuellement, t'as toujours eu un don de bien placer ton shit. Ben, comme gars qui vient chez vous assez souvent, Feng Shui. Que ça soit dans ta salle d'ordi, que ça soit ici, tous tes items que tu tiens chers à toi sont très bien displayed. Puis j'ai du gros respect pour ça. Ben, je vais dire ça là parce merci que faut que les gens ils voient ça. L'ananas gens... galvanisé était que. Ben, c'est un ça là, comme je ferais... ça. Ben en réalité, je pense c'est une collection de dire que j'aime la déco geek inspired un peu puis André, t'as ben, déjà vu dans une place où ce que comme Milter disait, c'est de même t'avais des valises pour tenir une lampe. Ouais. So you are there, man. Valise. Mais là, c'est comme le show chez nous. Inspiré de mini collection. Parce que on regarde, c'est vrai, t'as une mini collection de beaux livres. T'as une mini collection de vinyle, mais c'est pas. On s'entend. Puis on a un peu la même approche. Il y a une très belle collection de shows aussi. C'est pas une collection parce c'est que pas c'est une collection c'est mon, de vinyle, c'est des vinyles vinyle que j'écoute. De show. Non, mais en même temps, c'est toi t'as pas comme une collection. T'as comme plein de mini collections de choses qui ont. C'est comme une thématique à place. C'est une thématique de collection. Ouais. Fait qu'au lieu de, comme on disait exemple tantôt, au lieu de pogner et dire, moi, je collectionne tous les jeux Ninja Turtles ou toutes les BD de Ninja Turtles, tu vas avoir un petit bonhomme, un ornement de Noël, une poignée de porte, un support à linge, une lumière. Ben, sais-tu quoi? Tu viens, je pense, mettre le doigt là-dessus. Je m'entoure d'objets. Ninja Turtles. Pas juste Ninja Turtles, mais des affaires qui m'inspirent. Wes Anderson. Que j'aurais aimé avoir. Oui. Tu sais, moi, quand je pense à toi, t'as une collection de stock de Wes Anderson. C'est comme un roast camouflé que vous êtes en train de me ouais, faire. Exactement. C'est cool, mais y a-tu. On parle. Genre, ça tombe bien qu'on. T'amènes cet aspect-là multidisciplinaire ou multifacette. Il y a un côté obsessif un peu. Oui. Et Chris, je vais aller me chercher une bière. pour oublier ses problèmes d'obsession. Au collectionnement, puis ce côté obsessif-là, des fois, peut aller main dans la main, malheureusement, avec une surconsommation. Ah. Et je me dis, tu sais, exemple, André, ça, on a remarqué, Ninja Turtle, il y a des ornements de Noël, il y a les cadres, il y a des BD, il y a des films, il y a des lunettes 3D de luxe. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un pyjama One Piece. Il y a un côté aussi, obsessif. Costume d'Halloween. Okay. Il y a des muscles. Oui. Mais, je me dis... J'ai jamais vu les petits lutteurs, genre... Tu sais, comme moi, c'est... Ouais, c'est je sais qu'est-ce que tu veux dire. Oui, oui. J'aime bien, exemple... Tu mettais tes pouces. J'aime bien Star Wars, en effet. Et moi, exemple, je vais essayer de mixer un peu. Tu sais, j'ai des Star Wars BD. Et j'ai... Je suis pas, par contre, un gros collectionneur d'avoir tous les films de Star Wars. Tu sais, j'ai pas besoin d'avoir toutes les éditions de Star Wars, de toutes les versions. Mais, exemple, j'ai des vinyles de musique de Star Wars. J'ai été une fois au Beatnik, puis j'ai trouvé... une espèce de remix dance de Nissanzis de Star Wars et j'ai pogné ça. Il y a eu une édition spéciale du soundtrack qui est sorti. Le disco de Mato, là, c'est du classique. Là. Mais j'ai pogné une édition spéciale d'un vinyle de Star Wars avec en hologramme dans le vinyle TIE Fighter. C'est que, mais ça, c'est récent, ça. Oui, ça, c'est récent. J'assume mon côté. C'est de la collection de thématiques. Oui, ça. Ça, je l'assume, c'est vraiment un niveau thématique. Je l'assume aussi, mon petit côté obsessif, que ma blonde aussi est un peu harie de moi à ce niveau-là, où ce que... moi, elle rit pas quand elle voit mon compte de carte de crédit. J'ai mes BD... Je suis quand même... Tout est discret. Guillaume veut pas parler de cash. On parle non, pas non de mais cash. Quand même, non, honnêtement... Là-dessus, il n'y a pas à dévoiler des secrets. On se complète bien là-dessus. Parce que justement, elle est toujours là pour me garder un peu groundé pour pas que je pars en fou. Mais l'aspect justement obsessif, on le voit où ce que justement, j'ai pas la réponse à savoir pourquoi on est de même, pour qu'est-ce qui nous fuel cette espèce d'obsessivité là. Mais là, puis on voit aussi que les compagnies jouent en tabarouette là-dessus là. Ben moi si je serais une compagnie puis je voudrais vendre mais des c'est leur but. Mais exemple, on se rappellera tout durant le Force Awakens là, les oranges Sunkissed de BB-8 là. Y a-tu une limite? Ouais, mais tu peux-tu collectionner des oranges? Qui va collectionner des Nissan Rogue? C'est que souvent, exemple, le Nissan Rogue, exact, les grosses pubs. Mais tu sais, il y a l'aspect collectionneur impulsif et obsessif. Je collectionne les Nissan Rogue. Toutes les couleurs des Nissan Rogue. T'as le collectionneur qui dit, moi, je dois avoir toute de la thématique de telle affaire. Puis j'en ai vu, écoute, des gens qui avaient des collections justement thématiques. Parce qu'exemple, il y a plein d'affaires de Star Wars ou il y a plein d'affaires de Batman. Le dude, il y a un casque qui a servi sur le tournage de Batman ou whatever. Moi, je peux-tu est-ce dire de quoi? Limite que non. Les... Non, OK. Je m'en... Y a-tu une limite que, selon vous, qui est abusée au niveau de l'espèce de marketing à ce niveau-là? Est-ce que je pense que t'as comme... plusieurs questions en une. Mais sont toutes tu parles reliées, de l'aspect, parce que moi, de ce que j'ai compris, tu parles de l'aspect la obsessif. La compagnie et tu l'obsession. Tu parles de l'aspect corporate, compagnie qui ouais. bénéficie de cette obsession. Qui vont un peu, ouais, qui vont essayer fait de... Fait que Milton... Ben, moi, ce que je voulais en venir un peu dans un sens, c'est j'ai vécu un peu cette obsession à plusieurs niveaux. Avant, j'avais au-dessus de genre 4500 CD de musique. J'ai travaillé longtemps dans l'industrie de la musique, il y en a je m'ai fait donner puis tout. On peut te dire c'est une collection plus ou moins. J'avais des groupes que je collectionnais, mais j'avais quelque chose que Calis Rick. C'est fait. J'avais quelque chose que dans le temps c'était le mardi, maintenant c'est le vendredi, ça a changé, mais tous les mardis, il fallait que j'aille dans un magasin de disques. OK. Fallait que je voie les nouveautés. Mais tu dis, il fallait. Est-ce que c'est genre... T'étais-tu rendu, mettons, sur une échelle de zéro à la fille qui bouffe la bourrure de sofa dans My Strange Addiction? C'est 8 sur 10? Tabarnak. Fait ça me grugeait. Fait de la un moment donné, gars, tellement que j'étais allé porter mon CV, puis j'ai travaillé dans la musique, que j'étais là à toutes les astis de mardi, puis j'avais le first pick, c'est tout. Les comic books, un moment donné, c'était pareil. Je te dirais même qu'il y a 2 ans... J'ai repogné un peu le deep. Moi, je collectionne du comic book comme un peu comme Eric collectionne les jeux dans le sens que j'achète ce que j'aime. C'est ça. Puis quand je pogne des bons deals, ça me dérange pas d'acheter un lot même si c'est pas l'état parfait comme Guillaume des fois qui fait grader ses affaires comme on voit ici puis tout. Puis je trouve ça écœurant aussi là. J'ai rien contre ça. Puis si j'arrive à ça, des fois j'ai des numéros cachés qui sont beaux. Puis moi, je les garde juste dans des cartons. Puis en tout cas, mais c'est des lucky buy. dans le sens que je suis le genre de gars qui achète. J'étais addict un moment donné, il fallait que j'aille tous les mercredis à la boîte à BD à Laval, puis les nouveautés y étaient là, puis j'avais mon first pick, puis j'achetais 3 ou 4 fois la même BD à 5$ pour avoir les 4 couvertures. Les variants. Puis les variants, puis c'est la même histoire, mais j'y voulais, puis c'était les variants de ceux que j'aime. Pas toutes les variants qui sortaient. Pas tout ce qui existait. Mais si j'aime Spider-Man, je vais acheter les 3 copies de Spider-Man qu'il y avait. Mais je pense qu'il y a une thématique qui revient un peu à ça, parce que je prends un commentaire qu'on a sur Facebook, on a Marie-Ève Garneau qui nous mentionne « Mon gros critère pour mes collections, c'est que ça doit me plaire visuellement. J'aime beaucoup les mignons, mais si la pièce est laide ou de mauvaise qualité, ben j'en veux pas. » Fait que je pense que... Ça, c'est sûr que ça. T'as les completionnistes, que c'est genre « Je veux le set complet. Je veux tout ce qui existe, puis il faut que j'aille tout ça. » Je veux voir la personne qui a un set complet de Minions. Moi tu vois, ouais. Marie-Ève Garneau, ce qu'elle mentionne, puis un peu dans... Je pense que ça va rejoindre, tu sais, ce que j'aime, si c'est beau, puis je prends un peu mon appart en exemple. J'aime la pièce, j'aime ce que ça apporte. C'est sûr que je regarde autour de moi présentement, puis j'ai un penchant quand même cartoon des 80s ou film des 80s. Ben oui, mais c'est ça que mais t'aimes. Mais si c'est beau visuellement, si ça a un quelque chose que je vois que ça fit dans mon décor, j'aime m'entourer moi, de ça. Moi, tu me dis ça, là, puis tu sais qu'est-ce qui est drôle? Il y a dernièrement aussi, tu sais, j'ai pogné mes Hero Clicks, là. Mm-hmm. J'ai joué 2 fois. Pas parce que je veux pas, parce que j'ai pas personne pour jouer avec, malheureusement. Mais je n'ai plein. Puis ils sont toutes, il y a ma bibliothèque de DVD, là, tout est beau, tout est là, mes DVD, mes jeux vidéo, puis tout. Puis devant, vu qu'il reste un petit 3-4 pouces de tablette, là, mais j'ai tous mes Hero Clicks en lignée, puis j'ai tous mes bonhommes DC, j'ai tous mes bonhommes Marvel. C'est comme tes pièces d'échecs. J'ai exactement dans un sens. Non, mais c'est vrai, c'est mon côté autiste, il sort, là, puis j'ai toutes mes petites figurines, puis... C'est juste beau. J'ai une coupe de pop, comment qu'ils appellent ça, des vinyl pop. Ben, les Funko Pop. Funko Pop. Mais j'ai la même affaire dans t'sais, mon bureau coupe, aussi, là. Puis c'est juste beau. Ben, tu sais, j'achèterai pas toutes les Funko Pop. Ben, c'est ça, j'arrivais justement. Je vais acheter voit à gens, ceux que j'aime. L'aspect Funko Pop me fait beaucoup penser à l'aspect Amiibo. Okay. On voit qu'il y a des gens, puis tu sais, des fois... Non, ça, c'est de la marque collectionner Amiibo, non, on va le dire, là. C'est relatif, tout est subjectif à ce niveau-là. Puis même moi, je l'assume, même moi, des fois, je vois des gens qui... vont acheter les Amiibo parce qu'il faut qu'ils aillent tout. Tu sais, comme un peu le Pokémon, là, you gotta have them all. Ouais, mais c'est ça, Nintendo. Ouais, mais il y en a que c'est les Funko Pop. Il faut qu'ils aillent toutes les Funko Pop de Walking Dead. Il faut qu'ils aillent toutes les Amiibo. Des fois, moi, je me surprends un peu. Puis, tu sais, on s'entend, là, je suis dans la scène, j'ai la vie. J'essaye des fois de dire, est-ce que ces gens-là, puis là, ça va sonner ultra péjoratif, puis c'est pas parce que je juge ces gens-là, mais je me dis, est-ce que ces gens-là sont bien? Est-ce qu'ils font ça? J'essaie de comprendre. Attends, un peu, tu parles du collectionneur ou tu parles de Funko, là? Non, je parle du collectionneur. Pourquoi qu'il y a une maladie? Parce que c'est maladif, puis ça a été prouvé. J'ai vu des documentaires sur Internet qui essayaient de comprendre l'obsession d'avoir tout. Exemple, moi, j'ai des Disney Infinity, j'ai un Funko Pop, mais c'est ce que c'était justement, exemple, un Vegeta, j'ai un Venom, j'ai un Darth Vader, j'ai un Black Spider-Man, parce que c'est des personnages qui me sont chers. Mais j'ai pas qui m'interpelle. Mais j'ai pas eu l'espèce de lubie de dire je vais me prendre toutes les Disney Infinity. Mais tu sais, je respecte les gens qui veulent aller chercher toutes les Amiibo. On connaît, je suis pas là pour name dropper personne, mais on en voit dans la sphère geek du Québec. Il y en a qui, je dirais qu'il y en a beaucoup. Moi, ce qui pique ma curiosité, c'est que j'aimerais ça savoir. Dommage qu'on en ait pas un avec nous aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils vont chercher en allant chercher le set complet? Exemple, un Amiibo. Je peux comprendre le but d'avoir mais un set complet de NES. Mais ça se peut qu'on fasse un show dans le futur. Parce qu'un set complet de Nintendo... On pourrait parler avec Dominique Bourret à propos de son set complet d'Amiibo. Oui, ça, je ne savais pas qu'il y en avait, mais je comprends, exemple, la valeur historique d'avoir un set complet de Nintendo. Tu sais, Nintendo a été la première console... à la réputation. Qui a eu un gros reach... commercial, ou, tu sais, je dis pas que Virtual Console avant, mais Nintendo a vraiment ouvert toutes les portes à tout le monde pour le gaming de salon. Nintendo, pour les collectionneurs, c'est des garocheux de crack gratis pour un crackhead. Ils savent comment exploiter les nostalgies du monde, puis les Amiibo, c'est une des meilleures preuves, parce qu'eux autres, ils ont amené le côté Toys to Life. Oh, ouais, Toys to Life. Toys to Life. Que je parlais au dernier épisode. Ben, tu dis, ils l'ont amené, mais en réalité, non, mais c'est Activision qui l'a ils l'ont amené. Pas amené, mais je, que je veux dire, répondu. C'est qu'ils ont répondu, mais ils l'ont amené dans un sens cross-gaming. Ouais. Genre, dans le sens que c'est pas, tu joues à Skylanders, tu joues à Disney Infinity, tu joues à Lego Dimension. C'est, ouais. Tu joues à des jeux de Nintendo, puis on va te donner des petites affaires qui sont pas vraiment si hot que ça. À tous les jeux avec ton même bonhomme, puis rendu là, t'en achètes 400, c'est ton problème. Mais parce qu'on s'entend, il y a aussi un aspect, puis c'est de Nintendo, on se le cachera pas, si on fait là-dessus, là, de fausse rareté, là, où ce que, on va en produire genre juste 10 000, alors qu'on sait qu'il y en a 100 000 qui vont être demandés. On va en shipper juste 10 000, le reste sont prêts, puis on attend. Mais tu sais, les Amiibo, là, il y a eu une espèce de folie quand c'est sorti, là, t'sais, tout le monde s'égarochait, puis tu sais, même Giz avec... ouais, mais ils pensaient que c'était rare. Les resellers, mais ça, les resellers ont fait un running gag là-dessus, un de leurs premiers épisodes, c'était ça, justement, où ce que justement, ils parlaient de cet aspect-là, puis c'est pour ça que je me dis que c'est dommage qu'on n'ait pas d'une personne qui collectionne de cette façon aussi intense-là parmi nous, parce que j'aimerais ça ben, savoir... Ben, très honnêtement, dans mon entourage, t'es la seule personne que je connais qui a fait rater des comic books. Ouais, j'y arrivais justement t'sais, à l'aspect. Fait que tu dis, c'est dommage qu'on ait personne autour de la ouais. table, mais. T'en es un. Tout est une question de perception. Et à ma perception, je dis ça avec le plus grand respect oh, parce oui. que je trouve ça super cool, ton comic book rated Spider-Man. On n'est pas rendu Black là Suit, encore, là. On y arrive. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que. Comment je peux dire ça? Tout est une question de perception. Oui, parce ben que c'est toi, pour toi, ton niveau, le niveau au-dessus de toi va être une personne avec des complete sets, des affaires la même que le kit. Moi, quand j'étais avec toi à Comic-Con, puis on s'est approché de la table, puis t'es allé voir un gars, et je sentais la fébrilité dans l'air. T'étais là, puis t'étais comme, my God, c'est la première shot que CGC sont ici. Oui, je peux faire rater mes comic books. J'étais complètement gaga, je l'assume. Puis là, j'ai vu le bill passer, puis là, t'as payé quelque chose comme 200-300$. 200 pour faire évaluer des comic books, les envoyer, puis qu'ils te renvoient une couple de semaines après. Puis moi, j'étais là, t'as payé, attends, t'as payé 200 pour te faire dire qu'il vaut 37$? Non, mais je n'avais... ça? À Sound Investment. J'avais plus qu'un BD, là, qui est parti. Non, mais... OK, 200, c'était le total. Mais Guillaume, il envoie de quoi? Mais revenons à l'expérience. Oui, parce moi, qu'on veut pas embarquer dans la folie de Guillaume. Non, je veux juste... On va dévoiler des mauvais secrets. Parce que moi, d'un œil externe, ce que ça m'a donné, c'est je vois Guillaume s'approcher de la table et faire... Hey man, j'en reviens pas, je vais faire rater mes comic books. C'est l'industrie, c'est la référence dans le rating de comic books. Puis là, il donne ses comic books, puis il parle au gars. Puis t'étais super fébrile. Moi, j'étais à côté, puis j'étais comme, j'ai aucune calisse d'idée de qu'est-ce qui se passe. Je sais même pas c'est quoi le processus. Puis là, un moment, tu m'expliques, tu dis, non, mais eux autres, je les paye pour qu'ils évaluent puis qu'ils donnent une valeur à ma collection. OK. C'est un style okay. de business, puis là, ça. Puis là, après ça, tes comic books, ils reviennent, mais... C'est la première fois que je vois la résultante de ça où t'as comme ta BD dans un casing en plastique oh, avec l'affaire. Sacrament, je viens d'avoir un flash. Ça m'a fait capoter, ça. Y a-tu ça dans les jeux vidéo oui. encore? Oui. Ouais, il y a tu peux faire rating des jeux vidéo. Il y a du grading de jeux vidéo. Il y a du grading de cartes sportives. Il y a du grading de vinyle. Le grading existe dans tout. Puis ça, c'est, ça l'amène. Est-ce que, vraie question, est-ce que le grading fait juste aboutir à ton affaire que t'as payé 20$ pour faire grader et être dans un mur de genre rétro weird vendu trop cher dans 100 ans quelque part? Peut-être. J'arrivais, je vais finir un peu avec cette espèce de sujet-là où que on rentre dans le nerf de la guerre. Puis ce que beaucoup de gens, des fois, veulent pas s'avouer, mais que c'est quand même un genre de. Péché mignon, mignon. Un péché mignon. On parle c'est la valeur, trop longtemps qu'on est déjà des mignons, mignons encore. Là. Non, exact. Un péché mignon. Oh. C'est l'aspect la valeur. Puis tu sais, il y a toujours le running gag. Puis les années 90 ont été l'apothéose de tout ça. Les gens se sont garochés dans les cartes sportives. Les années 90 ont été. C'était retardé pour les cartes sportives. Dans les, oui, puis dans les comic books aussi. Je veux dire, j'ai vu des reportages. On a encore, si on va sur YouTube en ce moment ou sur Google, on peut trouver des reportages vidéo qui datent des années 90 où ce que Superman numéro 75, qui était le Death of Superman, est sorti dans un sac en plastique ouais. noir avec le logo. Je l'ai trois fois, celle-là. Les gens achetaient ça et disaient, devant une caméra d'un reportage, cette BD-là est marquante pour l'histoire, je vais l'acheter et dans 20 ans, je vais payer l'université de mon enfant avec ça. Par contre, ce que les gens, sur le coup de l'émotion, comprenaient pas. Je l'ai trois fois. Ce que les gens comprenaient pas, c'est que cette BD-là a été imprimée, si ma mémoire est bonne, à 13 millions d'exemplaires. J'ai sûrement la mauvaise stats, là, mais à 13 millions d'exemplaires. Dans ces années-là, juste pour faire une parenthèse, j'ai vu la folie pour les cartes de sport dans le temps. Oui, au Québec, ça aussi. J'ai vu une folie. Il y avait un magasin, je vais toujours me rappeler de ça. Il y avait une nouvelle série de, je m'en rappelle pas quelle série, mais c'était la 75e de la Coupe Stanley. Upper Deck. Cette année-là, Upper Deck avait une holographic Stanley Cup. Ça, c'est Pro 7. C'était Pro 7. Il y avait une holographic Stanley Cup. Puis je vais toujours me rappeler être dans une place de cartes où ce que quelqu'un ouvrait, le monde achetait plein de cartes. Il les ouvrait. Puis là, ben ça, pouf, t'avais un holographic, il a vendu drit là au gars à 75$. Puis il y en a des moi j'avais entendu dans le temps. Ça, des, ça m'avait. Ça, je comprenais rien. Des dealers qui utilisaient des aimants pour pogner les cartes holographiques des paquets. Je me sentais comme si j'achetais des cartes. J'achetais un paquet de cartes de Upper Deck, puis c'était comme l'équivalent à 12 ans de acheter un Estee Nevada. Oui, c'était une loterie. C'est un gratteux. C'est le même. Puis ça, j'ai lu sur Internet ça. Que le concept des cartes d'hockey, cartes Pokémon, tout ce qui est emballé ou ce que tu sur ne vois Sidney pas... Sur ma Sidney Crosby que j'ai pogné signée de Tim Hortons est bonne? J'en ai aucune idée. Mais je peux t'amener, si tu veux, à l'Anti-Expo une bonne fois, qui se déroule au cégep André Racet. Non, et merci, y a c'est correct. Dire. Juste en dégraissant, je veux dire. Il y a eu une étude avec. Qui a prouvé que les toute carte ou tout truc de collection ce que tu vois pas a le même ça libère les mêmes hormones dans ta tête que les loteries ouais. Les paris ouais, mais on prend par exemple Kid Robot qui font souvent des minifigures que mettons t'as la série TMNT puis ça vous allez en j'sais voir pas beaucoup t'ajettes. À Comic-Con surtout vous allez en voir beaucoup là puis ils se vendent environ 14 à 15 $ la boîte. Puis vous savez pas lequel qui va avoir dedans. Mais HeroClix, ce que je parlais... C'est-tu un Foot Soldier? Mais HeroClix, c'est carrément ça. C'est un sachet que t'achètes. À moins d'acheter un starter kit. Même là, il y a des starter kits que tu vois tes deux, trois bonhommes. Mais les autres, c'est comme... Ah, t'as une boîte de cinq. Tu sais pas combien mais qui tu vas avoir. Puis l'autre, c'est des petits sachets. Ces temps-ci, tu dis ça... Mais j'achète des fois des... Tu sais, quand tu veux la paix, là, quand t'es un parent, ouais. Là, vous connaissez pas tout ça. Oui, là. Je sais, c'est très bien. Mais toi, moi j'en ai trois là qui se promènent avec moi. Là, le quatrième, il catch pas qu'on vit dans un système capitaliste et qu'il veut des bonhommes légaux. Mais on se en promène avec les trois autres. Là. Attends, rest in peace, Castro. Oui, Black Friday debt. Je vais au Walmart, là, ben ou pas Walmart, mais au magasin Lego. Au centre d'achat. Je vais magasiner. Puis là, je passe dans l'allée des Lego, puis c'est quoi qu'il y a? Mais pour 2,99, il y a des petits sachets de la nouvelle saison 16 qui appelle. De petits bonhommes que t'as aucune calice d'idée, c'est qui tu vas pogner. Puis là, t'en pognes un à chaque. Puis là, il y en a un qui a un bonhomme habillé en banane, l'autre qui a un bonhomme en garagiste. Un type de parent. Je suis pas un parent. Oui, André, vas-y. OK. Abonne-toi au club Lego. Je t'abonnais déjà. OK. Il y a certaines journées où le club Lego permettent aux gens qui entrent dans le magasin de se faire une figurine sur place gratuitement et de repartir avec. Oh! Le donc, mardi t'arrives... à 4h de l'après-midi. Non, souvent ça va être le dimanche parce okay. Qu'eux autres, ils évaluent ça comme un lost leader. C'est genre, t'es pas venu ici juste pour faire une figurine. Oui, ta gueule, ouais. Je déconne. Ça m'a coûté 8$ de gaz. Même c'est à ça, l'avoir, mais mes 4 kids ont chopé pendant 45 minutes. Mais il y a beaucoup de manières de parce que je t'écoute puis tu me dis... Ah, je m'en vais là-bas puis j'achète la paix puis t'as l'affaire. Mais tu sais, des activités que tu peux je faire. Je dis j'achète la paix, pour... ça me coûte 10$ là, puis chacun de mes kids ils ont un petit bonhomme Lego. Imagine-toi puis... 10$ de moins, c'est un 10$ de c'est comic sûr. De Deadpool que c'est tu sûr, après. C'est sûr. Mais... Des Gwenpool, c'est ouais, encore mieux. Gwenpool ouais. Aussi. C'est mon nouveau trip. Là. Mais où ce que je voulais emmener parce que tu m'avais ouvert la porte avec, avec les comics qui sont gradés, puis ce que je disais, c'est un peu comme l'espèce de truc que les gens veulent pas s'avouer, c'est qu'il y a réellement, selon moi, un aspect. Tu ne payeras pas l'université de ton enfant, mais il y a une valeur monétaire. On s'entend, pour mettre en circonstance, en contexte, je ne vais pas au Comic-Con pour grader, ou tu sais, utiliser CGC pour grader toutes mes comics. Parce qu'il y a l'aspect que je veux quand même relire les BD de certaines choses, de certains items. Et il y en a d'autres qui ont une valeur historique et artistique. Exemple, celui qui est en ce moment avec nous, devant la caméra, ceux qui sont en direct, c'est considéré comme étant la première apparition du Black Suit de Spider-Man. Donc, le premier symbiote de Venom. C'est le premier épisode avec Miles Morales? Non. On est 25 ans plus avant ça. Mais c'est comme c'est le dit juste de pas nerded toi là. Ouais, mais c'est pas, je m'attendais pas à ça. C'est pas le même black suit là. Exactement. Okay. C'est pas le même black point. Mais donc moi je m'étais dit, tu sais, c'est un peu puis c'est un comic qui date des années 80. Puis on sait quelque chose qui est organique, du papier avec l'oxygène s'oxyde, change de couleur, jaunit, peut être endommagé. Donc, moi, je me suis dit, au même titre que quelqu'un a, exemple, si on pousse la comparaison au maximum, va avoir, mettons, une œuvre de Picasso. Je compare pas ma BD à Picasso, mais il va vouloir la protéger. Elle va être dans un cadre spécial. Il sera pas dans un cadre de chez Athéna au coin du centre. C'est une impression, ça, l'affaire. Là. Picasso, il y a plein de copies de ça. C'est ça, il y a pas de... En tout cas, mais non, mais là, je parle le gars qui peinture. Ça, c'est une impression, mais le papier, quand même, va jaunir. Est-ce que je l'ai fait pour avoir un gain financier? Non, parce que j'ai pas l'intention de la vendre. Par contre, si jamais je la vends, l'aspect qu'il soit gradé, que ce soit une comic, que ce soit un vinyle, que ce soit un jeu vidéo, il y a un expert qui a dit que ça c'est un 8.0. Donc, ça a une certaine valeur objective. Puis là, j'y arrive parce qu'il y a l'aspect subjectif. Puis si quelqu'un a été sur eBay, entre autres, il a rencontré, ou Kijiji, puis on a parlé à le dernier épisode avec la NES classique, il a été confronté à l'aspect subjectif / spéculatif, qui est, quant à moi, un cancer dans cette espèce de passion-là. Ouais, mais ça, c'est mettre une valeur au besoin de le vouloir. Oui, mais ça, c'est la spéculation. Je peux juste ajouter quelque chose avant qu'on, oui, qu'on continue? Moi, ce que je trouve... Ça va être bon. Ce que je trouve fascinant là-dedans, parce qu'écoute, je t'écoute parler depuis tantôt, puis tu dis, tu sais, moi, ça, c'est ma BD que j'ai achetée, puis je veux pas la revendre, c'est à moi. Ben, c'est comme le fait d'avoir une collection, en effet. Ben, c'est ça, fait que c'est ma collection, c'est à moi, pour moi, fait que j'ai payé quelqu'un pour qu'il me dise combien ça voudrait, ça vaudrait... Non, pas comment ça vaudrait. Ben, à quel point elle est bien conservée, mettons. OK. Fait qu'à quel point elle est bien conservée, selon nous, notre perception, parce qu'on est on est la référence en matière de comic book, etc., etc. Puis, tu sais, c'est comme... Toi, tu l'as fait rater pour savoir qu'est-ce qu'elle vaut en termes de qualité, mais tu veux pas la vendre. Non. Moi, mais je veux la conserver. Je veux juste dans un donner état. Un props à cette compagnie-là. Eux autres, ils ont fait. T'as brilliant, deux gars, brilliant business. Probablement là. Deux gars des années 70 qui boivent du scotch puis qui font comme dude, faut qu'on trouve de quoi à vendre. Puis là, t'as peu. Il y a quelqu'un à un moment donné qui va vouloir vendre de quoi. Ouais, mais combien ça vaut? C'est nous autres qui va y dire. Mais dis-tu quoi? Ouais, mais vas-tu le vendre? Non! On s'entend-tu, là? On va y dire combien ça vaut. Mais c'est Antique Roadshow, là. C'est carrément, eux autres sont assis pis ils font comme, ouais, mais le gars, il le vendra pas. Je m'en calisse. Je vais dire combien ça vaut. Non, mais arrête. J'étais allé au Nord, Ontario, dernièrement, là. Attends, wow, on se calme. J'étais allé au Nord, Ontario, dernièrement, pis j'ai PBS, rarement. Le côté francophone de l'Ontario. Le comté francophone de l'Ontario. Puis j'ai passé une après-midi à boire de la bière. Puis écouter Antique Roadshow. Fuck yeah! Puis j'ai hâte en sacrament que le Antique Roadshow se legitimise avec des jeux vidéo pis des comics. Ça sent bien, ça, là. C'est comme... J'étais allé des pots de la Chine. Des vases. C'est comme dans la voiture. Dans la voiture, pendant le temps des fêtes. Ah oui, c'est quoi l'affaire, là, avec les auctions? Barrett Jackson. Oui, Barrett Jackson! À chaque Noël, je suis chez nous avec mon père. Mon père qui est un fan de voitures finies, donc ça... J'ai une certaine affinité avec ça. Puis on écoute Barrett Jackson. Puis là, c'est comme... Here comes a numbers match Mustang 76 with blah, blah, blah. Tu vois combien d'argent que ça frame fait? Frame off restoration. Blah, blah, blah, blah. Puis là, on est comme... Puis là, mon père m'a regardé fait 55 000. Puis là, ça part. 54 000. Puis là, je suis comme... Fuck! Comment tu fais pour savoir ça? Réaliser que dans comme 20 ans, il va y avoir l'équivalent de ce show-là, mais pour les jeux vidéo. Oui, c'est ça. Il va y avoir Dominique Bourret qui est assis là à table avec son kid qui regarde, qui est comme... ouais, Mighty Bomb Max à 90$. C'est ça! Mais moi, ce qui me fait capoter, ça va être 90 000 rendu. Tu sais, pis je te redonne la parole, Guillaume, mais moi, ce qui me fait capoter, c'est cette genre de micro-système où ils ont établi tellement un besoin niche d'une clientèle extrêmement niche de faire. Hey, sais-tu quoi? Ouais, Moi, je suis bien bon pour déterminer le niveau d'oxydation d'une page de comic. Ouais. Moi, je peux savoir si quelqu'un l'a ouvert trop large puis ça fait des cracks dans le cover. Ouais. Hey, on devrait se partir une business de ça. C'est clair. Ils sont devenus la référence dans le modèle d'exploitation. C'est excessif. Ça, c'est clair comme nous le rush qui ont jumpé sur un besoin qui était pas un vrai besoin. Puis c'est ça. Moi, je trouve honnêtement, c'est un besoin très niche, mais dans un milieu où ce que justement les émotions sont toujours présentes. Oui. Puis on l'a vu, quiconque a été au Comic-Con, on s'appellera il y a 2 ans l'épisode du dude qui vendait sa Zelda à 300 piastres le Comic-Con, ouais. C'était pas un Mario Dokkan. Ça l'enlève l'aspect. Il y avait un Mario Dokkan cher aussi. Le fait de faire grip, c'est une des raisons pourquoi je le fais, puis je le fais seulement sur certains, ce qu'ils appellent en bon langage du milieu, des key issues, c'est que ça l'enlève l'aspect intangible. Ça me le dit, c'est ça rend le truc tangible. Ça te donne une note, puis c'est que dans un milieu où ce que si, mettons, moi je veux en acheter une. Mettons, je me dis un jour, là, je me réveille, je dis là, je veux Amazing Spider-Man numéro 300. Oh. Qui est un key issues qui est très en demande. Mais si je vais voir un gars, puis lui, il me dit, hey, ça là, c'est un. Là, je vais être très, très. Langage technique. Ça, c'est un Near Mint. Moins. Mirror Mint, c'est ça le terme? Near Mint. Ok, Near Mint. Mirror Mint. Near Mint. Presque Mint. Mirror Mint. Là, moi, je vais le dire, ben non, ça, c'est un. Mais moins. C'est un Very Fine Plus. Tu sais, ça, c'est exemple. Very Fine Plus. Dis pas ça. Oh, fuck! Mirror Fine Plus! Non, mais d'un autre côté, il y a toujours l'aspect, justement, il y a le haggling qui arrive. Non, pis là, tu t'astines sur la qualité du livre. Tandis que si je me dis... Moi, mais ça, là, ça marche pour tout, hein. Oui, mais le fait que tu sois gradé, tu peux plus t'astiner sur l'état de la BD parce qu'il y a une... Non, mais tu peux... Un business de grading, les jeux vidéo. Non, pas pour les jeux vidéo, pour les chars usagés. Non, mais les jeux vidéo... Non, non, sans joke. Puis là, le gars, il arrive, il essaie d'acheter, puis ah, ce char, ah, écoute, ce char-là, dans les années, il se vendait tant. Parce que... Puis là, les chocs sont finis, puis il n'est pas ses tailleurs d'hiver, puis là, il y a des scratchs sur le bumper en avant. C'est un B+. Puis là, le B+, selon nous autres, va valoir tant d'affaires. Faut pas que la personne qui donne le grade c'est ça, faut que le soit la personne qui donne la valeur. Ça, c'est deux entités. Non, nous autres, on donne une cote. Ouais, mais même là, tu me dis, il est gradé 8, puis tu me dis, je te le vends 40$. Si moi, je te dis, ouais, mais je te donne 35. Oui, mais là, c'est ça. Là, tu t'assises sur le haggling. Ben, c'est rendu là, c'est ça. Ben, t'as un niveau de négoci. Tandis que là, t'en aurais... Tu t'estines sur l'état et ensuite tu t'estines sur le prix. Tu comprends? Il y a la. Ouais. Peux-tu dire de quoi? Pour faire un parallèle. Protégé. Je veux faire un parallèle dans le collectionneur. Ben oui. Comme dans les jeux vidéo, moi je suis un passionné de jeux vidéo, puis je connais assez l'univers du collectionneur de jeux vidéo. Grader une cassette, je pense que c'est très important de nos jours parce qu'il y a beaucoup de reproductions qui se font. Oui. Ça doit être la même chose dans les comics aussi. Ah, ben. Moins. Dans les comics, c'est plus difficile ou. Y a on se part une business de reproduction de comics. On reprint. Ouais, la reproduction. Ben, les Chinois sont déjà en déclin. Le problème là. Des comics, c'est plus au niveau de ce que les gens disent. La fausse représentation, je dirais plus. Parce que dans un jeu vidéo, on va dire, je sais pas, c'est quoi le jeu là que moi j'aime pas mais quand André il aime bien le RPG Mass là, Effect vendu, Chrono Trigger Mass Effect non c'est pas Chrono Trigger ou NES là ben non le Mother Earthbound fait que t'as Earthbound qu'il y a des repros sans arrêt c'est un jeu qui vaut très cher. Mais les gens sont rendus, ou quand même, je vais aller un peu plus loin, Evo, un jeu de Koei, qui est un genre de jeu de plateforme spécial où tu commences comme une larve, puis tu deviens un homme à un moment donné, je suis pas sûr. Mais ce jeu-là vaut très cher, mais quand tu vois, moi je participe au groupe de collectionneurs de jeux vidéo, puis il y a beaucoup des gens qui les vendent, puis c'est ce type de cassette-là, ils les ouvrent, puis ils les montrent ouvert, legit. Oui. Mais fuck! Ils pourraient la casser en l'ouvrant. Honnêtement, ça c'est sûr que je dis qu'il y en a qui ont des talents, sont capables, mais il y a toujours un risque. C'est que c'est normal qu'il y a cet aspect-là, mais tout ça pour dire que oui, si je voudrais la vendre, je pourrais. Si je voulais la vendre, pardon, désolé. C'est correct, moi je te pardonne parce que ça me voulait dire la même assise d'affaires pour moi les deux manières. Exact. Mais c'est plus pour moi pour la conservation, m'assurer que c'est quelque chose qui va rester beau. Puis on s'entend, tout le monde a Nintendo. Qui a jauni, tu sais, puis des fois il y a des affaires qui sont endommagées avec le temps, puis ça me laisse une petite quiétude. Ce qu'on appelle les fillers, tu sais, ce que je vais collectionner par amour et non par intérêt ou ce que je sais que ça n'aura pas une, une incidence historique ou un impact sur ce que ça leur a présenté, je vais le mettre dans un sac en plastique avec un board en carton, puis that's it, je vais changer le board, le sac aux 5-6 ans, mettons. C'est de base, c'est que c'est... Puis par contre, j'ai déjà rencontré des gens sur le web qui, eux, vont tout grader. Au même titre que j'ai rencontré quelqu'un que lui n'achète que du grading pour les ouvrir. OK, lui, y en a lui, plusieurs. Pourquoi il fait ça? Parce que lui, il veut acheter puis être sûr que ce qu'il achète c'est fucking psycho là. On peut-tu parler de nos collections non. personnelles? Parce que là, c'est rendu psycho. Ce gars-là est en train de faire le Paul Hooding du comic grading. Lui, il achète des comics gradés pour les ouvrir. Pour vivre l'expérience du gars qui l'avait acheté dans le temps qu'il était mint, là. Genre. On s'entend que c'est une crise d'obsession de fucking, ça, là. Exact. Parce que la résultante, c'est j'ai lu le comic. Mais lui, c'est je l'ai ouvert puis j'ai scrappé une version qui était mine. OK, guys. Il doit prendre des peintes chauffées à la chandelle dans comme le dark side, okay. comme Bart Simpson Radioactive Man. Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que vous collectionnez quand, non, est-ce que lorsque vous collectionnez, est-ce qu'il y a toujours cette espèce de petite facette financière-là de gain? Absolument. Tout le temps. Absolument. Puis, à quel point ça peut avoir une influence ou non sur les achats que vous faites ou vous ne faites pas? Moi, j'ai une échelle, en fait, là, puis peu importe, puis je me permets d'embarquer, là, mais peu importe si c'est pour collectionner, si c'est pour acheter ou peu importe, j'ai une échelle dans ma tête. Premièrement, je vais-tu manger? Tu sais, j'achète ça, je vais-tu manger? OK, bon, good. Deuxièmement, je vais-tu être capable de payer mon loyer? Parce que... Si je mange pas, je paye pas mon loyer, m'en calisse. Mais deuxièmement, je vais-tu payer mon loyer? Fait que je mange puis je me loge. Troisièmement, j'ai-tu encore des bobettes propres que je peux porter, qui ont pas de trous pis de la quête? Parce qu'il faut se vêtir aussi, tu sais. Fait que une fois que j'ai établi ces besoins de base. C'est pas les besoins vitaux. Ben, c'est un peu ça. Fait que une fois que j'ai passé ça, ensuite, ben là, c'est, quelle est mon aspiration, tu sais? Je veux-tu m'acheter un char, m'acheter une maison, voyager dans le sud, des décorations de Noël Ninja Turtles, m'acheter Spawn numéro 328 grade 9 parce que le gars de Saint-Hilaire, il pense que ça vaut 300$. Pis... Hey, j'ai mon chum qui a Spawn 1. Tabarnak. Ça vaut-tu de quoi, ça? T'sais, c'est un peu ça, c'est que moi, regarde, je collectionne pas selon moi. Selon vous, vous dites que j'ai des micro-collections ou peu importe. Ben oui. Non, il a dit ça... hipster thématique. T'as un code de Darth Vader en tuxedo, asti. Non, mais tabarnak, c'était 5$, tu es-tu. Ben, c'est ça. J'ai encouragé un artisan local de Baltimore. OK, t'as un ananas galvanisé. OK, ouais. Pour répondre à ce que Guillaume disait. Non, mais attends, j'avais pas fini. Okay. T'as pas fini. Tout ce que je veux dire avec ça, c'est que... Il close ça. J'ai des items qui valent cher. Je te donne un exemple. J'ai un Optimus Prime 20e anniversaire qui a jamais été déballé. Qui, selon un de mes amis qui fait du racket de Transformers sur Kijiji, ça vaut du cash. Apparemment que ça vaut environ 275-300$. Non, mais il y a un racket de Transformers qui existe j'en sur Kijiji. J'en doute pas, j'en doute c'est pas. C'est incroyable. Mais... comme le racket de Star Trek mais que oui. je vois toujours au fucking c'est ça, Comic-Con. T'as du racket de tout, mais le Transformers vaut 300$. Mais... puis moi, le monde, sont comme, tu vas-tu le vendre? Ben, moi, c'est un cadeau que j'ai reçu. Puis, peu importe d'où il provient le cadeau, j'aime Optimus Prime. J'aime le 20e anniversaire d'Optimus Prime parce que c'est celui qui a la hache. Tu sais, la hache okay, orange ouais, ouais, quand ouais. il se bat contre Megatron. Hey, on le voit dans un film dernièrement aussi, dans le troisième. Tu sais, exactement. Mais dans le temps que Optimus Michael Prime Bay, est mort, malade. Pis là, le monde était triste. Ouais, ouais. Mais il est revenu. C'était la matrice de commandement. Il y avait Rodimus Prime pis tout le kit. Fuck Rodimus Prime. J'ai ça qui. C'est-tu Dennis Rodman pis Optimus Prime mélangés ensemble, ça? Oui. Oui, ok. C'est double impact. Mais tout ce que je veux dire avec ça, c'est que j'ai une pièce qui vaut pour moi. Non, knock off. Chris, dans ma vie d'adulte, je me pose pas la question, tu sais, c'est comme, il me faut-tu absolument ça? Puis j'ai pas un numéro précis ouais, mais... ou une cassette okay. précise, je cherche. Mais okay. je vais m'acheter des trucs sur une base quotidienne qui vont faire comme, je veux m'entourer de ça. Je veux l'avoir autour de moi, puis je vais me sentir bien d'avoir ça autour. Je sais où est-ce qu'on s'en va avec ça. OK. Je vais juste faire un suivi avec ça. Dans, puis parler un peu parce que je pensais qu'on était pas. Moi, je pensais qu'on closait avec ça. Non, mais on s'en allait closer, mais écoute, mais on a 5-10 minutes. V'là 5 minutes. Fait qu'il reste 5 minutes. V'là 3 minutes. Fait que là, l'affaire que je me dis, c'est que oui, quand moi j'achète, on va dire si je pogne un jeu ou j'ai un item de collection que j'aime bien, la valeur que ça représente par rapport à la valeur que je l'ai payé, si je tente, si je suis dans ce marché-là, on s'entend que dans le Super Nintendo, dernièrement, je suis une aventure de Ocean. Je vais pas vendre ma collection de Ocean comme une collection de Ocean puis faire bien du cash. Mais dans des jeux, il y a des jeux que j'ai que je sais que si je serais vraiment dans le pétrin, c'est quelque chose que je pourrais vendre. Puis oui, à quelque part, c'est un genre de nest egg. Et puis il y a personne qui prend moindrement un backup plan. Ça, ouais. En anglais, on dit un nest egg. On peut vraiment se fier de ça comme un filet de sûreté. Non, mais attends, écoute-moi deux secondes. Okay. Non, mais s'il n'y a pas de manger dans le frigidaire, si il peut toujours vendre un petit jeu 200$. J'ai besoin de manger. Ou si, si j'ai une mauvaise habitude d'héroïne, je pourrais peut-être me pogner un demi-gramme, tu comprends? Fait qu'on s'entend sur ça, right? En vendant Super Metroid, c'est complete in box. C'est jamais. Mais tout ça pour dire que moi, personnellement, en arrière de tout ça, en arrière de ma passion de mes jeux, en arrière de ma passion de ma collection de jeux de Xbox que je suis très fier de, en arrière de ma passion de jeux de... Comme, il y a aucun jeu dans ma série d'Xbox que je pense a une vraie valeur, parce que de un, ce marché-là a pas de valeur en ce moment. Mais, pour moi... Un jour, Rick. Ils ont une énorme valeur personnelle. Mais il y a des jeux dans ma série de PS1 que je pourrais vendre facilement, que je pourrais échanger pour quelque chose de bien, que je pourrais faire des sous avec. J'ai des jeux que je pourrais revendre. Puis c'est bien d'avoir ça. Puis il y a personne dans l'univers du collectionnement de jeux vidéo qui va me faire accroire, ou du collection en général, mais il y a personne qui va me faire accroire que avoir ça comme backup en arrière ne fait pas partie de leur achat. Personne. Je vais utiliser comme quelqu'un qui a une grosse collection de jeux vidéo. Je veux pas nommer de nom. Je connais du monde qui a des grosses collections de jeux vidéo. Il y a personne à quelque part en arrière de ça qui va me faire croire que oui. De un, je respecte toute leur passion pour l'amour des jeux vidéo qu'ils ont. Puis je la respecte. Mais s'ils sont mis au pied du mur. Mais s'ils sont mis au pied du mur, ça va être. Puis j'ai rien contre ça non plus, là. Mais. Comme je le vois là, je suis des groupes comme le DAP. C'est une façon d'économiser. Mais regarde, je veux dire un exemple. DAP, ouais. Je parlais cette fin de semaine avec je name drop le King de Saint-Eustache encore Vincent Laniel. Quand si tu comprends de qui je parle, you know who it is. Oh oui. Mega respect. Puis lui il parle, lui c'est un gros lui c'est un gros passionné de le marché des ventes des jeux vidéo. Puis il va te dire pendant le temps des fêtes, toutes les valeurs baissent. Pourquoi? Parce que le monde vend leur shit pour payer leur fucking cadeau, pour payer d'autres shit dans leur vie. Fait que c'est le temps d'acheter. Puis ce même monde-là vont réacheter un petit peu plus tard, pendant l'année d'après, janvier, février, ou peut-être pas. Mais c'est correct, ça. J'ai rien de mal avec ça. Puis moi, je respecte ça. C'est juste ça. C'est comme la bourse, dans le fond, ça se promène. C'est ça. Je veux dire, un vrai collectionneur de tout, oui, on va le dire. Moi, je suis passionné de mes jeux. Souvenez-vous des Beanie Babies? Non, mais je me souviens des Furbies. Juste encore. Je sais. Mais dans le temps, ça valait de quoi, puis à ce temps? Parce qu'il y avait une fausse rareté. Il y avait des émissions à 4h30 du matin qui vendaient. Tout ce que je voulais dire, c'est que, oui, il y a une valeur d'argent derrière de les achats, puis il n'y a rien de mal avec ça. Il n'y a rien de mal avec ça. Le vase de la Chine que j'ai vu passer pour 45 000$ sur l'esti de fucking show que j'ai PBS. Pas arrêté d'écouter de PBS, ben, dis-tu quoi? Good for them. Puis tu vois du monde, là, puis j'ai vu pendant le Antique Roadshow un gars qui est là avec son esti de vase de la Chine qui est certifié, whatever que t'appelles, qu'est-ce que toi t'as fait pour ton comic, ouais. Mais ils ont son affaire de certifier. Je pense qu'il y avait un gars, là, ça c'était une histoire classique, je l'ai adoré. Il y avait son livre qu'il a acheté en 76 dans un esti de encan de tu sais, le monde qui vend toute leur chute d'une maison parce que quelqu'un est mort. Ouais. Succession. Il avait acheté un livre de qu'est-ce qui était supposément la voisine de l'écrivaine de Gone with the Wind. Puis il était tout fier de montrer ça. Puis le dude, il est là, puis il plie esti dans sa face. Il est comme, combien que t'as payé ça? Il dit 500$ en 72. T'es comme, désolé, mais elle signait jamais son shit. Elle avait jamais rien fait. Puis cette affaire-là vaut peut-être... C'est un second print de Gone with the Wind. Ça vaut peut-être 20$. Comme... Boum! Ouais. Fait que Guillaume, écoute, t'as mis beaucoup d'efforts à monter le sujet de ce soir. C'est un sujet André a mis bien de l'effort de le contrôler à la fin. C'est un sujet qui est quand même... C'est un sujet délicat qui est quand même émotif parce que c'est quelque chose qui... C'est émotif, tu l'as dit. C'est parler d'un peu de la passion des gens, mais de l'aspect économique de la passion des gens. Puis c'est des fois, ça sonne qu'on juge peut-être, mais on essaye. C'est pas un jugement, c'est plus essayer de comprendre. Comme on l'a vu avec l'exemple de toi et de mes grading de comics. Non, non, mais c'est correct. Là, je me sens mal. Beau, quand même. Il est pas pire, hein. Il est pas bon, ça. C'est pas ça pour s'en dire. Parce qu'on l'aime, Guillaume. J'ai fait la même affaire avec les Amiibo, tu sais, dans le sens que. La collection infinie d'Amiibo de Nick Bourrel. J'ai pas besoin de patiner, mais si t'avais une chose. On va l'inviter juste pour ça. Si t'avais une chose que tu voulais que les auditeurs terminent cet épisode-là puis se souviennent, ça serait quoi? Question qui tue. La collection d'Amiibo de Dominique Bourrel. Non, excuse. Excuse, Dominique. Excuse. Moi, je voudrais juste, laissez pas les gens vous empêcher de faire ce que vous aimez. Collectionnez vos passions, puis soyez fiers de ça, puis n'ayez pas peur de vous affirmer. Moi, je veux juste dire, faites juste attention de pas tomber dans l'obsessif, de vous laisser berner par les compagnies qui pourraient un peu profiter de votre passion. Puis des fois, on s'entend là, puis André a été témoin de ça, et moi au Comic-Con aussi souvent, de devenir un peu comme... De plus voir un peu faut juste faire attention de toujours, comme tu l'as dit, penser à vos besoins. Si vous êtes en couple, pensez à votre couple, pensez à vos enfants. C'est ton hypothèque. On a fait des commentaires par rapport à des comparaisons avec la drogue, mais c'est quasiment identique. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est pas juste des pharmaciens qui passent à tout le monde en parle, c'est des vraies personnes, des études indépendantes. Il y a des vrais pièges dans tout type de consommation. Exact. La seule chose, c'est que les industries puis les compagnies ont trouvé un moyen très habile d'aller s'adapter à nos besoins puis d'aller nous vendre quelque chose qu'on pensait peut-être pas nécessairement qu'on avait besoin, mais qu'on se rend compte qu'on en a besoin une fois face au fait accompli. Donc, je pense que ce que tu dis, ça a trait du sens. Éduquez-vous si vous n'êtes pas sûr. C'est premièrement, la première partie de collectionner, c'est de s'éduquer, comme tu le mentionnes. C'est de se renseigner sur qu'est-ce qu'on collectionne, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos goûts, c'est quoi la valeur marchande, c'est quoi le début et la fin de cette collection-là. Puis c'est surtout aussi de faire ça par passion, que ça soit pour vous entourer de bien, que ça soit pour sécuriser l'admission future de vos enfants à l'université. Faites pas ça pour ça, s'il vous plaît. Honnêtement, oui, un comic book pourrait avoir une valeur qui serait relativement positionnable comme de l'or, donc de savoir l'offre et la demande se situent à combien. La seule chose, c'est que plus niche le produit, plus il va être dur à vendre. Moins incertaine la destinée du produit sera. Donc, présentement, les jeux vidéo, les comics, c'est cool. Il y a un marché pour ça. Il y a un paquet de monde qui trippe là-dessus. Par contre, du jour au lendemain, ça pourrait s'écrouler. Donc, faites pas ça pour une manière financière. Faites ça pour une manière émotive. Passionnelle. Et allez-y là-dedans. Il n'y a rien de mal de se lancer dans les passions. Et une des certaines passions dont on vous parle ce soir, puis depuis déjà 85 épisodes... Le crack. notre amour obsessif du podcasting. Donc, cette fameuse radio gratuite sur Internet. Ça fait 85 épisodes qu'on fait du collectif. Ça nous fait un plaisir de faire ça avec vous. Et j'aimerais aussi dire que vous êtes prêts à nous écouter pour un autre 85 autres. Vous l'avez entendu ici le premier... André est dans la merde. Je suis pas dans la merde, pas en tout, parce qu'honnêtement, à chaque semaine. Ou d'autres, tu veux l'entendre en premier. Sérieux, c'est quoi MF qui dit? Non, mais honnêtement, c'est un de mes privilèges que j'ai à chaque deux semaines de m'asseoir autour de la table avec vous autres, de boire de la bière, un verre d'eau, un scotch, un rye, du vin, peu importe. On a c'est la première fois que c'est du rye en passant. C'est la première fois. Je pense pas que c'est la dernière. Non. Mais nous sommes Geek Collectif, le podcast. Vous écoutiez le 85e épisode ce soir qui était intitulé Collectionner. C'est un plaisir d'être avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur geekcollectif.com où vous allez avoir les liens pour la page Facebook SoundCloud qui est sous-exploité carrément, puis il y a beaucoup de gemmes cachées là-dessus. Mathieu Bonin, que je call out comme un geek de la plug. Carrément. Ce gars-là était assez intense. Tu veux une plug? Il a sorti un livre, ça. Non, il va sortir. Peu importe le livre de Mathieu Bonin, nous sommes Geek Collectif, le podcast. Guys, où est-ce que les gens peuvent vous rejoindre? Eric? Montréalien sur Facebook, Arcade Montréal, les vendredis puis les samedis, naturellement. Pas les samedis. Non, excuse-moi. Les vendredis et les jeudis, ça flotte un peu. Cette semaine, il y a un événement spécial où ce que Papa Cassette fait ses retours de ses soirées thématiques. Death Metal nazi. Ouais, un contrat. Là. Mais moi, je vais faire aussi le vendredi, j'ai des tournois de Street Fighter. Puis chaque début de mois, on va avoir des tournois de Street Fighter 5 à partir de janvier 2016. Ça va être la place pour voir si c'est le meilleur joueur de Street Fighter 5 au Québec. Et la meilleure place pour aller jaser avec toi aussi. C'est ça. Puis aussi Priced Hashtag 1387 sur Battle.net, parce que Blizzard, c'est la meilleure compagnie au monde, ils font les meilleurs jeux. Puis je joue à HOTS dernièrement. Varian Wrynn for the Alliance. Milter, les gens qui voudraient interagir avec toi. Xbox et PlayStation, Milter 187. Ajoutez-moi, je joue à plein de choses, surtout Dead Rising ces temps-ci. C'est pas mal ça, Zombie Milter sur Twitter, puis mon nom sur Facebook. Guillaume? Vous pouvez me rejoindre au guillaumeamel.com, qui est en ce moment en construction, par manque de temps. Lui, il marche, là, pas comme carnetgeek.com. Non, carnetgeek.com, honnêtement, c'est, j'ai comme gelé sur le cœur depuis le début de l'épisode, j'ai juste hâte que le show finisse pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Guillaume, c'est correct parce que t'as deux semaines, je vais éditer l'épisode, puis après ça va être correct. Je pensais que t'allais dire que c'est correct, t'as juste deux visiteurs. J'ai non, dit. Non, je ne serai jamais chier comme ça. Mais le site est revenu, c'était juste un rot de serveur. T'as copé, là, allez donc donner du love sur carnegeek.com, puis vous allez pouvoir voir où sont la plupart des boutiques de comic book et de vinyle dans la région montréalaise. Pour le moment, il y a juste ça, puis dans bientôt, il va y en avoir d'autres. Merci beaucoup, Guillaume. Les gens qui voudraient interagir avec moi, mon nom est André Paquette, vous me retrouvez sur Facebook. Sinon, Uzumaki QC, Instagram, Twitter, pas mal partout, honnêtement. PSN, Xbox Live, Nintendo Steam, Friend Request. Nintendo Friend Request. J'ai pas de console de Nintendo, c'est pas grave. Et vous avez aimé cet épisode de balado-diffusion gratuite, ben c'est quand même 85 épisodes gratuits du collectif. Vous pouvez aller sur patreon.com/geekcollectif pour pouvoir nous sponsoriser, tout comme le font Jack Link's Bacon Jerky. Mais vous pouvez aller nous donner du love et quelques bidous aussi également. Vous allez pouvoir entrer dans la tente de la renommée de nos Patreons pour nous aider à garder les lumières ouvertes et à garder également le serveur en vie. Donc, ce fut un plaisir pour nous de s'entretenir ce soir avec vous. Et on se revoit dans deux semaines pour le prochain épisode. Donc, sur ce, guys, merci beaucoup à tous et bonne soirée. Bonne soirée.